Des fois, je compare la série Tales à Metal Gear Solid. C'est comme une série que l'histoire, la synopsis, il est stupide. C'est con, là, que le gros méchant, c'est ton clone. Puis là, ben, genre, lui, c'est le clone avec les qualités. Toi, t'es le clone avec les défauts. Là, faut que tu battes le clone avec les qualités. Puis là, à la fin, t'apprends qu'il y a un troisième clone qui a les meilleurs côtés des deux, qui est président des États-Unis. Puis ça, c'est con. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle émission du podcast de On a juste une vie. Nous sommes le 30 juin, je suis Narf, c'est l'épisode 126. Et maintenant que toutes les informations techniques ont été dites, on peut maintenant revenir à nos déblatérages habituels et continuer la discussion de quoi? De Pokémon Ranger? Ouais! Qu'il faut encercler des Pokémon. Ouais, ça, c'est quoi? C'est comme un stimulateur de professeur pour encercler les mauvaises réponses, mais là, t'encercles les Pokémon parce qu'ils sont des erreurs de la nature. J'ai-tu bien compris, là? Ben, en fait, mais c'est un lasso, là. C'est des attrapes avec un lasso, mais juste le concept de Pokémon Ranger, j'ai vraiment trouvé ça trippant parce que, déjà, tu sais, il y a comme un peu de controverse avec, genre, la SPA des États-Unis, pis ces trucs-là, que les Pokémon, c'est comme tes esclaves, tu sais, t'es enfermes, pis t'es forcé à se battre pour toi. Les Pokémon Ranger, c'est comme toute l'espèce de version hippie de Pokémon, c'est que les Pokémon sont libres, pis tout ce que tu fais, c'est les prendre en laisse pour le temps qu'ils t'aident à faire un truc, pis après ça, tu les laisses aller en liberté. Fait qu'ils sont jamais à toi. C'est jamais tes Pokémon. Tu les enfermes pas dans des Pokéballs. T'es pas un dresseur. Ben, tu les déménages. Comme t'es amènes dans une autre zone parce que tu poses problème, t'es relâches. T'es gardien de la faune. Ouais. T'es littéralement gardien de la faune de Pokémon. C'est super cool. S'il y en a qui sont avec toi, c'est parce qu'ils ont décidé. Oui. Parce que tu es comme. Bref, tu peux finalement vivre l'expérience d'être comme le bonhomme dans l'émission, que lui, il mettait jamais ses Pokémon dans des Pokéballs. Ouais, mais tu vas pas développer un friendship. Ben, je sais pas, Blob, moi je me suis vraiment pas rendu loin parce que j'étais pas capable de les attraper, les esti. Mais tu prends un Pokémon, il fait un affaire pour toi puis ça va. Est-ce que tu peux la plupart du temps. Mais t'arrives à un moment où est-ce qu'il y en a que juste vraiment ils t'aiment assez qu'ils restent pour toujours. Il reste pour toute la game après. Ok, ça c'est cool. C'est gentil ça. Puis t'as comme des choix, là. T'es pas obligé de dire oui à tout le monde. Je pense que t'en as quelques-uns que tu peux emmener, mais genre ils te suivent comme à pied en arrière de toi, là. Puis c'est commandité par la CEPAC? Ah, probablement, ça pourrait. Ouais. Ça pourrait, pour vrai. C'est vraiment drôle, c'est ça. T'es un gardien de la faune de Pokémon. C'est écœurant, genre. Puis juste pour comme. Pour te déplacer, tu sais, si jamais, tu sais, les Pokémon dans Pokémon utilisent, mettons, Cut ou ben Strength pour bouger des roches, ben là, c'est ça, t'en pognes un, juste pour qu'il te bouge une roche, puis après ça, tu le relâches parce qu'il a fait sa job, puis il faut que tu respectes les Pokémon. C'est tellement hippie! Fait que c'est exactement. Non, mais c'est la même chose. T'es utilises comme esclave, tu fais comme. Ouais, toi, je te pogne avec mon lasso magique, tu vas me pousser la grosse roche, ouais. Après ça, je te lâche, parce que j'ai plus besoin de toi. Mais au moins pas toute leur vie. C'est comme les pêcheurs qui pêchent des poissons puis qui là ils le remettent à l'eau. C'est comme ouais mais là ils viennent se faire pisser par ton pain dans le fond, là, il va tout être défilé dans ma bouche. je comprends pas ça. Mais ouais, la stratégie Blob, c'était quoi? Parce que maudit, j'avais. Parce que là, de ton écran en bas, là, t'as un Pokémon qui bouge de façon tout à fait aléatoire partout dans l'écran, puis toi, faut que tu l'encercles, mais si jamais il touche à ton trait, faut que tu l'encercles comme plein de fois, là. Tu fasses des ronds autour plein de fois avec ton sifflet d'un trait continu. S'il touche à ton trait s'efface puis tu recommences. Mais il bouge! Ouais, c'est des gros traits. Mais même à ça, il bouge partout, il bump d'un au côté. Au contraire, tu fais des petits traits pour qu'ils finissent plus vite. Ouais, c'est ça. Faut juste aller super vite. Ouais. C'est juste ça. J'ai pas le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est de m'entraîner à encercler à une vitesse phénoménale. Oh. C'est un peu comme quand tu joues à Mega Man. Tu peux pas lâcher pour arrêter ton trait? Ben, ça l'arrête juste quand t'as fini. Mais pour vrai, il y en a, faut que tu fasses 7 cercles continus autour. Ah, mais il y a une quoi spéciale où est-ce que tu vas attraper Mew, puis c'est plus que ça. Ah, oh, mon Dieu. Il bouge vite, puis il fait des trucs pour péter ton affaire. Oui, c'est ça. En plus, ils font des attaques pour péter ton trait en plein milieu. Ils devraient le faire. Ah! Il est ben pas fin. C'est quasiment c'est comme s'il voulait pas se faire attraper ben, pour se faire mettre en esclavage. Je pense que si tu demandes à ton Pokémon d'eau de t'aider, ça imbue ton truc avec de l'eau. Fait que là, ça envoie de l'eau dessus, ça le ralentit. Ou ça le met comme dans une bulle, quelque chose de même. Ouais, je sais que les Pokémon herbes faisaient pousser du gazon, mais je me rappelle plus du tout. Faut que t'essayes. Ça bloque leur chemin, je pense. Pourquoi t'avais rien qu'à utiliser tes Pokémon amis pour leur taper dessus jusqu'à temps que tu pitches une Pokéball, là? Non, mais tes Pokémon amis ont juste donné un élément dans ton lasso. C'est ça. Ils sont pas là pour se battre pour toi, c'est pas tes esclaves, Narf. C'est ça. Ils vont te donner leur élément. Ouais, quand t'es quand même en train de l'attraper avec un lasso. Ouais, mais il fait une affaire puis il se pousse. C'est comme s'il demande de bouger une roche, là. Après ça, tu l'as pu. Il bouge une roche, puis il est parti. Faut t'en pogner un autre. Fait que c'est comme si t'étais dans un parc, là, t'as besoin de pousser quelque chose, parce que c'est trop pesant. Fait que là, tu vas pogner ton shotgun à Tranquilizer. Tu vas tirer un ours. Là, il va pousser ton truc, puis là, tu vas faire « Ok, merci, ours, tu m'es plus utile, ça avec ton cas. » C'est ça. C'est tellement mieux. Non, mais c'est ça. Essentiellement, faut que tu apprennes à faire tes ronds vite, puis genre, tu regardes son déplacement, tu fais un rond qui prend pas tout l'écran, mais t'essayes genre de tourner autour en le suivant, comme en faisant des ronds médium grosseur, puis tu les fais très, très, très, très vite. Pareil comme dans Megaman, souvent, là, les vieux, là, tu joues à ça, puis les ennemis qui sont devant toi, ils prennent 5 balles. C'est pas comme dans Mario, genre, tu sautes dessus, puis il est mort, ou tu lances une boule de feu. Non, c'est 5 balles pour aucune raison d'autre que pour que ça soit plus dur. Fait que le truc, c'est de peser sur tirer vraiment super vite pour que ça fasse comme si t'avais tiré une balle, puis il est mort, parce que comme ça, il réagit pas. Fait que si tu fais tout super vite puis tu te pratiques à faire ça, soudainement le jeu devient peut-être plus forçant, mais il est plus facile. Puis là, il fait entraîner ton muscle de ultra rapide press. Ouais, faut que. Une espèce de jerking de poignet. Ouais, ça te prend une dextérité qui n'écrase pas tout ton écran en le pétant, puis qui te permet de bien faire tes affaires. C'est un peu la même affaire que pour fouetter de la crème ou faire une mayonnaise. Puis là, pogne une tendinite. Bon, et voilà, on vient de reparler de bouffe. Aujourd'hui, je parlais du podcast à quelqu'un qui de la job, qui savait pas qu'on faisait un podcast, qui l'a découvert comme ce matin. Il fait « Ah, tu fais un podcast? » Je fais « Ouais. » Il fait « Vous parlez de quoi? » Je dis « Ben, là, de jeux vidéo, là, puis de la vie, de l'univers, puis de jeux vidéo. » Il fait « Ah, OK. » Puis là, comme, tu sais, on parlait d'autres choses après ça. Puis là, j'ai fait, ah, oh, puis de bouffe aussi! On parle de bouffe! J'avais oublié. Très important. Fait que là, vous avez joué à quoi, là? Au lieu qu'on parle de Pokémon de Ranger, un jeu de DS de 1980. Non, au moins 2004, là. Je déconne. Hey, 2004, YouTube venait de sortir. On peut vérifier, par exemple. J'ai comme cette drôle d'impression que YouTube a été là toute ma vie, mais en réalité, il était là genre la moitié de ma vie, gros max. Ah, moi, je trouve pas. C'est quand même récent que genre, je consomme du YouTube. 2006. YouTube ou Pokémon Ranger? Pokémon Ranger. Pokémon Ranger. YouTube, c'est définitivement 2004. Ouais, mais moi, j'ai pas découvert ça avant, genre, c'est pas 2013, 2014, genre, subscribe à du monde, puis commencer à écouter des shows sur YouTube, puis tout ça. Ah, ben là, oui, mais ça, cette feature-là est arrivée à peu près dans ces années-là. Avant ça, c'était pour regarder des vidéos de chats, genre, YouTube. C'était pas plutôt comme, genre, des gags ou des gens qui se pètent la gueule. Des vidéos de chats, c'est si vieux que ça? Mais que là, c'est comme vraiment big. Anne-Marie, je veux dire, mon classique, c'est comme, bon... Je peux aller sur YouTube. Qu'est-ce que les gens sont avec moi, je leur montre l'internet. Qu'est-ce que je leur montre? YouTube Cat Jump, le meilleur vidéo de chat. Bon, je suis sûr que vous n'avez vu des meilleurs depuis, mais ouais. En 2009, Cat Jump, ça c'était le best. Ah mais c'est-tu le chat qui saute puis qui comme manque sa cible de genre deux pieds? Non. C'est le chat qui saute sur une barrière à bébé, raide comme une barre, puis qui flippe à 180 degrés. sont toutes drôles. Puis ça, c'est à écouter avec le son, parce que ça fait comme TAU! Oh non! Oh! Cat Jump YouTube. Ça va être linké. Ah, Best Cat Jump Ever. Dure 11 secondes. Il a 3 500 000 vues. Et je suis sûr qu'il y a au moins 500 000 de ces vues qui sont moi. Ah, mais ça, ça doit pas être l'original. Si ça date de 2004, là. Ça a été uploadé en 2006. Ah, quand même. Jesus, this video is a decade old already. Fuck. Les commentaires. Hey, 2006, ça fait 10 ans. Genre, je suis rendu une vieille personne basée sur ce vidéo de chat qui saute. Bon, je vais tout de suite le mettre dans les notes de l'émission pour pouvoir ne pas oublier de les mettre dans les notes d'émission. À côté de Pokémon Ranger. Mais à quoi qu'on a joué? Plein d'affaires, moi j'en ai plein là. J'ai joué à Tales of Zestiria, là. Je l'ai fini cette semaine. Ah, t'as du Fantasia tantôt. Ouais, ben c'est parce que la série Tales, c'est une série que j'en joue beaucoup. Puis j'ai fini Zestiria. La semaine d'avant, on a fait un petit bout de Vesperia. Je me suis amusé à écouter les openings pour le fun. Puis là, j'en ai commencé un autre qui est le premier de la série. C'est ça, je joue pas mal. J'aime beaucoup cette série-là parce que c'est parmi les rares RPG que je tolère. Entre autres parce que c'est des RPG d'action. Ok. Pourquoi tu joues pas à Diablo? Ben, parce que Diablo, c'est stupide. Mais qu'est-ce que tu veux dire un RPG d'action? C'est pas Diablo, là. C'est quoi la définition, mettons? Ben, si je veux y aller vraiment large, là, moi, ce que je cherche dans un RPG d'action, c'est que je puisse influencer... Sur des monstres. Je puisse influencer à quel point ça avance bien ou mal. Puis, je suis pas 100% dépendant de mon niveau. Nécessairement, je suis un petit peu limité, ou peut-être je suis beaucoup limité. Mais si je deviens bon, si je travaille par moi-même, je peux aller plus vite. Je peux être under level. Je peux faire des choses que je me sens comme si je serais pas supposé être capable de le faire, mais parce que je me suis investi, je suis capable de le faire, malgré que mes niveaux sont pas tout à fait à jour. Fait que c'est quoi? C'est 50% skill, 50% stats? Ouais, ou ça pourrait être moins que ça, ça pourrait être plus que ça. J'aime beaucoup Monster Hunter, il y a énormément de skills là-dedans, mais c'est sûr que quand tu vas te battre contre un monstre, tu as une limite de temps. Ben, si tu te fais jamais toucher, mais que tu n'es pas capable de faire plus que 10% de sa vie pendant ton 50 minutes, ben, tu ne l'auras pas. Fait que tes stats, ils sont quand même importants. Là, ce que je vois dans les jeux Tales, c'est qu'occasionnellement, tu t'en vas te battre contre t'as des bottlenecks qui sont comme les boss. Eux autres, souvent, ils vont avoir des attaques vraiment fortes. Puis si tu n'as pas suffisamment de défense pour survivre à un coup, ton personnage, il meurt, ben, ça veut dire que tu es vraiment trop en dessous, là. Il faudrait que tu t'entraînes pour au moins pouvoir survivre sa grosse attaque pour pouvoir continuer le fight. Parce que des fois, il fait la grosse attaque, touche tous tes personnages, ils meurent tous. Ça veut dire que t'as juste comme trop évité les ennemis, t'es trop fier de skill. Que t'es pas bon! Parce que ces RPG-là, souvent, tu peux bloquer les coups. Dans les nouveaux, tu peux les dodger aussi. Ok. Des fois... T'as pensé à Dark Souls, ça. Ouais, ben la façon de jouer est pas tout à fait pareil. Là. Ça se joue plus comme un fighting game. Mettons. J'essaie de me trouver une comparaison exacte, là, mais il y en a pas tant que ça. En fait, ça se joue comme... Tu sais, ce genre de jeu-là, maintenant, tu les retrouves sur mobile, puis moins de skill. Genre Heroes Charge, tous les jeux où que t'as comme 4-5 héros là, pis qui vont attaquer une couple de bonhommes. Là. Je n'avais parlé à un moment donné. Faudrait que j'ouvre mon téléphone. Là. Mettons qu'on revient à la racine, oui, ça ressemble à un fighting game. T'es sur un seul plan, mais peut-être que t'as 4-5 bonhommes contre 4-5 bonhommes, pis t'essayes de placer tes personnages qui sont capables de bloquer puis de faire des attaques melee en avant, tes casters puis tes healers en arrière. Là, t'as, je sais pas moi, 5-6 serpents. Fait que là, tu vas donner des coups d'épée dessus avec ton bonhomme qui donne des coups d'épée. Puis pendant ce temps-là, tes casters en arrière vont faire des spells dessus. L'autre, elle va te remettre de la vie. L'autre, il va tirer des flèches. Puis là, t'essayes de gérer ça en 2D. Bon, à cette heure, c'est plus que ça. C'est-à-dire, t'es toujours quand même en ligne avec les ennemis, mais des fois, ils sont sur un espèce de rond complètement en 3D où est-ce que tu peux changer d'alignement avec un autre ennemi. Fait que t'as comme plusieurs plans 2D. Tu peux souvent dodger en contournant, fait que tu dodges en cercle autour de lui. Okay. Là, selon les jeux, tu vas bouger de gauche à droite te rapprocher, mais ceux que j'aime le plus, c'est ceux que tu vas d'avant en arrière, parce que si jamais t'es perdu dans l'écran parce qu'il y a trop de stock, puis tu trouves pas ton bonhomme, t'as juste à tirer ton control stick par en bas, puis ça va reculer, peu importe la position de la caméra. Tandis que si t'es dans un mode gauche à droite, faut que tu te trouves pour savoir s'il faut que t'ailles à gauche ou s'il faut que t'ailles à droite pour t'éloigner. Parce que ceux qui sont vraiment comme full 3D, c'est comme, si tu pousses le joystick, ça va vers l'ennemi. Si tu tires, ça s'éloigne de l'ennemi. Ouais, comme les... C'est comme le Z-Target dans Zelda, là. Ouais, c'est pas mal ça, dans le fond, quand on y pense, là. Sauf qu'il est pas mal actif tout le temps, puis tu dois peser sur un bouton pour t'en libérer, faire du free run. Quand t'es en free run, t'as pas le droit de frapper. Ou t'as droit peut-être à une attaque, puis ça cancelle ton free run. C'est selon les jeux. Ils ont chacun des mécaniques. Ce qui est le fun aussi de ces jeux-là, c'est que d'un jeu à l'autre, ils essayent de faire avancer le système de combat, mais ils vont aussi dire, non, dans celui-là, une telle avancée qu'on avait faite avant, on l'annule, puis on fait autre chose, ou bien, telle affaire qu'on avait pensée il y a 2-3 jeux, on la ramène parce qu'on trouvait ça bon. D'une fois à l'autre, les systèmes sont pas tout à fait pareils. Fait que tu vas avoir des versions, des jeux Tales, qui sont basés, par exemple, sur les combos aériens, où est-ce que t'as deux sortes de bonhommes. T'as ceux qui launchent dans les airs pis ceux qui le font pas. Ou, mettons, dans Vesperia, la plupart des bonhommes apprennent des attaques par terre, puis après ça, quand ils les connaissent bien, ils peuvent les faire dans les airs. Mais il y en a une, elle, c'est le contraire. Elle fait la plupart de ses attaques quand elle saute, puis il faut qu'elle les connaisse bien pour pouvoir les utiliser à terre. Fait que là, ce que tu veux, c'est garrocher les ennemis dans les airs puis les frapper sans qu'ils retombent. Ça, c'est Vesperia. Tu viens de jongler. Ouais, c'est ça. Chacun de ces jeux-là ont une certaine petite partie de jonglage. Mais Vesperia, c'est presque juste ça. Puis est-ce que l'autre partie qu'ils ont en commun, à part le Tale of dans le début de leur nom, c'est qu'ils ont des histoires à chier? Non, les histoires sont quand même pas mal bonnes. Ah, ils se sont améliorés depuis? Ben, ils ont toujours été pas mal bonnes. La seule affaire, c'est que ça devient un petit peu convenu. T'as genre des éléments de la recette qui vont revenir à chaque fois. Ouais, je me suis peut-être mal exprimé. Je retire ce que j'ai dit. Ce que je devrais plutôt dire, c'est tout pareil. J'imagine qu'on peut dire qu'ils sont tous pareils. Les tropes qui reviennent tout le temps, c'est comme... Dans ton équipe, il y a un enfant. Dans ton équipe, il y a un traître. Il y a pratiquement plus c'est précis quand même comme trope. Ouais, là. Quand même. Puis tu peux même, si tu les suis toutes puis tu les regardes toutes, là, la plupart du temps, le traître, c'est pas le dernier personnage que tu rencontres, mais c'est un peu avant, parce que c'est pas parmi les premiers non plus. Puis moi, ce que je me souviens aussi, c'est que, tu sais, on s'est mis à voir depuis une couple d'années, là, comme... des gens qui se mettent à se moquer des histoires clichés de RPG. Là. Puis là, il y a comme les tropes de RPG, comme le boss impossible à tuer, le boss de la fin, que c'est ton père, que non, finalement, c'est pas le boss de la fin. Puis à la fin, tu te bats contre Dieu. Puis tu sais, genre, il y a ça comme dans la moitié des RPG japonais. Puis j'écoutais une vidéo l'autre fois, puis j'étais comme, ah ouais, j'avais tous ces clichés sont dans Tales of Symphonia sur GameCube. Yay! Ben, tu peux le voir comme ça, mais j'ai essayé de me remémorer l'histoire, puis cette histoire-là est tellement compliquée que c'est vraiment facile de juste amalgamer des éléments, puis en oublier d'autres. Ouais, nulle part là-dedans, tu te bats vraiment contre Dieu. Genre, à un moment donné, vers la fin, tu parles à Origin, qui est un summon spirit, qui, dans le fond, n'a pas créé l'univers, c'est juste qu'il est fort. Genre, il a Pourquoi servi... qu'il s'appelle Origin, de bord? Parce que c'est lui l'origine... Parce qu'il est commandité par EA. C'est comme... c'est lui l'origine des summon spirit. T'sais, dans la vie, il y a la mana, puis de la mana, il y a les summon spirit. Lui, c'est comme le premier. Il est important, mais il y en a un autre aussi qui est très important, c'est Ratatosk. Lui, il a écrit les lois pour gouverner la mana. Je pensais que c'était Ratata. Lui, ouais. Il était pas important. Tout un lui, tu l'as juste en tuer 1 million. Et... C'est comme si tu veux vraiment t'intéresser au système, il y a des affaires super intéressantes là-dedans. Ratatosk a écrit des règles pour la mana qui font que le monde est dans un certain équilibre. Puis, je pense vers la fin de Tales of Symphonia 2, on fait comme... Ratatosk qui décide de réécrire les règles. Il dit « Ok, je vais faire quelque chose qui fait que la planète elle a plus besoin de mana pour survivre. Par contre, qu'est-ce que ça fait, c'est qu'elle va arrêter de renaître sans arrêt, elle va finir par mourir. Ça va être super long, mais elle va finir par mourir. » Là, qu'est-ce que ça donne? C'est que vous êtes libéré d'un certain fardeau, mais à un moment donné, ça va être la fin du monde. Mais ça va permettre d'autres choses. Par contre, nous les esprits, on va continuer parce que nous, on va continuer d'utiliser la mana. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que ce genre d'histoire-là, quand on en parle, ça sonne... Je sais pas exactement comment le dire, mais c'est comme cliché ou comme tellement n'importe quoi que c'est comme... c'est tellement pas intéressant. Genre, je suis sûr que c'est intéressant quand tu y joues, mais quand tu le racontes de même, je suis comme, parce qu'on fout. A trop vu ça. Ben, je sais pas. Parce qu'en même temps. C'est intéressant si on n'avait pas trop vu ça. En même temps, ouais, mais tu sais, en même temps, ce qu'il dit là, genre, une planète, comme, je suis comme, non, j'ai pas vu ça spécifiquement. Puis, tu me dis ça, puis je fais comme, qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine de quoi qu'il parlait des dieux de la mythologie grecque, puis. Tu sais, ce que tu me racontes là, je suis comme, ouais, dans le fond, ça ressemble aux histoires des mythologies grecques. Mais pourquoi que ces histoires-là, on les trouve intéressantes? De Zeus, puis Athéna, puis toute cette gang-là. Là. Mm-hmm. Et que là, ton affaire de planète, puis de loi, puis de, les règles de la mana, je suis comme... Peut-être que là, c'est pas intéressant, mais tu sais, je peux te raconter d'autres choses de cet univers-là. La mana, elle sort de l'arbre de mana, OK? Qui... Non, mais check bien ça. Dans Tales of Phantasia, OK, ça parle de l'histoire de Daos, qui est parti de sa planète parce que son arbre de mana sur sa planète, il est mort. Mais là, il sait que la planète de Acelia à côté, l'arbre est encore en vie, puis il peut produire une graine. Fait que là, il arrive sur cette planète-là, les humains ont développé la magie technologie, puis elle utilise tellement de mana que l'arbre, il en reste pas assez pour faire une graine. Je pense que... C'est ça, tu trouves ça comme une analogie avec, genre, le pétrole, les crises énergétiques, ces choses-là. Ouais, OK. Mais c'était-tu dans Tales of Symphonia, ça, ou c'était un autre? Ben, c'est dans Phantasia, mais c'est le même univers. OK. Mais, tu vois, je pense que... Après ça, j'ai pas joué à celui-là spécifiquement, là. Mais j'ai l'impression que c'est comme si... Étant donné que c'est quelque chose qu'on voit jamais dans le jeu, c'est comme... Toi, tu joues un bonhomme qui fait sa petite aventure de taper sur des monstres. Puis c'est ça qui se passe dans le jeu. Puis là, à un moment donné, là, l'auteur du jeu, le scénariste, là, il se met à patcher une histoire de dieu, puis de mythologie, puis d'arbre, puis d'univers, mais tu vois rien de ça. Tu le vois pas. C'est jamais comme... Ça t'arrive pas à toi, ça te concerne pas vraiment, faut que tu sauves le monde, mais tu vas juste battre un boss en y tapant dessus au final. Fait que, genre, c'est comme si c'était trop déconnecté. Mais la plupart du temps, c'est pour un ça personnage qu'on fait le pont. Hein? La plupart du temps, il y a un personnage qui fait le pont. Ouais. Le problème avec ces jeux-là, c'est qu'ils sont super narratifs, sauf qu'en même temps, ils ont tellement de bonnes mécaniques qu'ils sont pas obligés de l'être, et tu peux faire tout le jeu en skippant les dialogues et avoir énormément de fun. parce qu'il y a autant de systèmes et de choses à exploiter et de choses à jouer qu'il y a d'histoires. Tu peux faire un, tu peux faire l'autre, tu peux essayer de faire les deux. Mais je suis pas du genre à skipper de cutscenes, à moins que ça soit vraiment... Ah, il y a plein de monde qui le font, hein. Ouais, mais tu sais, j'essaie de comprendre pourquoi que ça m'accrochait pas du tout. L'autre problème aussi, peut-être, c'est que ces histoires-là ont beaucoup d'affaires convenient ou bien des gros trous, ouais, juste pour que ça puisse continuer Deux Ex Machina. Facilement. C'est comme... Ça fait décrocher un peu. J'imagine que c'est la différence entre... Là, je vais prendre l'exemple vraiment extrême, là. C'est comme complètement pas la même chose, là. Mais tu sais, Half-Life 2, même Half-Life 1, genre, tu sais, c'est les humains qui, des scientifiques qui font une porte parallèle vers un univers d'une autre planète, genre. Mais qui c'est qui va l'ouvrir la porte? C'est toi qui l'ouvre la porte. Toi, tu rentres dedans la porte. Toi, tu vois les ennemis. Toi, tu les tapes pendant qu'ils sortent, puis là, après ça, tu fais une fuite, puis après ça, il t'arrive plein d'affaires. C'est tout le temps comme... C'est pas genre, je suis un bonhomme, je suis un héros, je tape sur des monstres, puis là, il y a un autre bonhomme qui vient voir, et laisse-moi te raconter l'histoire de telle personne que t'as jamais vue, que tu verras jamais dans le jeu visuellement, toi, joueur, mais je vais te raconter son histoire, puis tu t'en calisses, mais je vais te la raconter pareil. Puis là, tu sais, tu fais d'autres combats, puis là, il t'en raconte. On t'a une autre petite bout, puis là, ça va ainsi de suite. Puis là, c'est comme, OK, ben, merci, tu m'as tout raconté ça, mais genre, je l'ai pas vu, je l'ai pas vécu. Puis je me rends compte qu'en disant ça, tu sais, je suis pas complètement imbécile, je me rends compte que c'est très égocentrique de dire ça. C'est comme de dire, genre, pourquoi que les médias nous parlent de la politique étrangère puis de la guerre en Afghanistan? Genre, on s'en fout, je suis pas là. Genre, je veux pas le savoir. Moi, qu'il y a quelqu'un de mort en Turquie ou en République Papouasie, tu sais. Non, mais je peux te défendre. Il y a des gens qui sont comme ça. Genre, la vie, c'est pas un jeu où est-ce que tu choisis, genre, de prendre part dans quelque chose puis tu veux qu'on parle de toi. Genre, la vie, c'est pas comme ça, mais le jeu, oui. Clairement, quand tu joues à un jeu, tu veux être important puis changer quelque chose, puis que ça parle de ce que tu fais. Ouais. Mais la plupart du temps, là, dans ces jeux-là, il y a au moins un personnage pont. Dans Tales of Symphonia, parce que je pense que c'est celui que tu connais le plus, peut-être le seul que tu connais, en fait, c'est le personnage de Colette. Son rôle à elle, c'est d'être un vaisseau elle est supposée être un vaisseau pour recevoir la déesse Martel. C'est pas une vraie déesse. Okay, sauf que le méchant du jeu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des cultes sur les deux planètes qui sont comme... Il était une planète, mais il les a séparés en deux univers parallèles. Il a créé des cultes là-dessus, puis il a fait de l'eugénisme pour essayer de recréer génétiquement sa sœur en générant des mariages sur les deux côtés des planètes. Puis elle, elle est le produit de ça. Fait que là, il faut qu'elle pense que elle est là pour régénérer le monde, puis qu'elle s'en va, genre, voir les anges, puis, genre, sauver le monde. En réalité, tout le monde là-dedans est utilisé. Pourquoi tu te sens pas toujours concerné dans ces jeux-là? C'est parce que faut que ça parle de quelqu'un d'autre au nom de la subversion. Faut toujours subvertir tes attentes. Il faut que tu n'aies jamais toute l'histoire au complet. Il dépasse. C'est un truc qui revient dans à peu près chacun de ces jeux-là. C'est pour ça qu'il y a des traîtres. C'est pour ça qu'il y a des univers parallèles dont tu apprends l'existence à la moitié du jeu. Tu commences ce jeu-là, puis c'est jamais qu'est-ce que tu as pensé quand tu arrives à la fin. Cette semaine, j'ai fini Tales of Zestiria. Je l'ai pas aimé tant que ça. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à la fin, c'était pas mal qu'est-ce qu'on m'avait raconté depuis le début. Puis j'ai eu zéro surprise particulière. J'étais constamment en l'attente que quelque chose de vraiment fucké se passe, puis ben, c'est pas arrivé. Puis en soi, ça faisait changement pour la série. Ça aurait dû m'impressionner. Fait que t'as été surpris que t'as pas été surpris? Ouais. Genre, je m'attends à ce qu'il arrive quelque chose de vraiment fou. Genre, tous les personnages apprennent, par exemple, que la mana qu'ils utilisent, vient d'un autre monde qui est en souffrance. Non, c'est l'âme des bébés morts. Genre. Et ça a été utilisé dans le film de Full Metal Alchemist. L'âme dans des Full Metal Alchemist, ah, ben oui. Ils disent tout le temps rien ben ne oui. se perd, rien ne se crée. Sauf qu'ils ne pensent pas à l'énergie que ça prend pour transformer les choses. Ouais. Genre l'effort que ça prend pour transmuter les choses. Puis là, dans le film, ils apprennent que c'est l'énergie déclenchée dans les guerres dans notre monde réel. Ouais, ça vient tout dans notre monde. Une connexion. La série Tales, c'est tout le temps des affaires qui ressemblent à ça. Il y a beaucoup de thèmes de racisme puis de questions sur l'existence. C'est ces affaires-là que je cherche. Je sais pas, c'était traité... Je trouvais ça intéressant dans le temps, mais en même temps, j'étais pas... C'était comme traité trop simple. C'était comme trop A plus B. Parce que je sais de quoi tu parles, là, quand à un moment donné, ça parlait de racisme entre les elfes pis les demi-elfes, là, genre, un enfant de même. Ouais. Pis là, j'étais comme, ah, ok, je comprends, mais c'était traité comme si t'expliquais ça à des enfants, c'était pas... Ça restait en surface. C'était très... t'as les méchants pis t'as les gentils. Tu dis des enfants, c'est peut-être parce que le jeu s'adresse à des enfants? Ouais. Je pense que ça s'adresse à des jeunes personnes en général, pas tout à fait des enfants. Ouais. Puis c'est pas toujours en surface, mais des fois on parle d'une certaine question pendant genre un petit bout, puis après ça, genre on n'en parle plus. Ça arrive. C'est peut-être aussi un problème de traduction, parce que peut-être que c'est très bien écrit en japonais, mais que ils ont traduit ça comme si c'était pour des enfants parce qu'il fallait qu'ils n'étaient pas capables de mettre assez de texte. Fait que là, ils ont coupé le texte, puis là, ils ont tout simplifié. Ça se peut. Ouais. Ouais, peut-être, ça, par exemple. C'est vrai que les caractères japonais, ça prend même une place, là. Des fois aussi, t'assistes pas à tout. Une partie des affaires que j'ai aimé le plus dans ces jeux-là, c'est les affaires qui sont comme cachées. Des fois, à un certain moment du jeu, tu fais comme, tu retournes à telle place, là, qui est pas si loin que ça, là, genre, tu retournes à l'auberge pour une raison ou une autre. Là, il se déclenche un petit morceau d'histoire que peut-être tu le verras jamais parce que toi, dans ta game, t'as pas pensé de retourner là. Puis là, il y a un dialogue trop bien écrit qui développe quelque chose que t'avais pas pensé. Genre, les personnages, ils se disent quelque chose qu'ils ont sur le bout des lèvres depuis le début de l'histoire. Pis ça, il y a tout le temps ces tensions-là dans le matériel japonais, je trouve, là. Ne serait-ce que dans, genre, les histoires d'amour, tu sais, les personnages que tu sais qui veulent sortir ensemble, mais les deux ont trop peur pour s'en parler, que c'est stupide. Des fois, c'est pour des choses meilleures que ça, puis dans ces petits segments-là, t'as la récompense de, enfin, les personnages se disent les vraies affaires. Fait que là, peut-être que toi, en jouant ta game, tu tombes pas dessus. Ça fait aussi partie de l'expérience d'avoir chacun sa game, où est-ce que tu vis les choses selon si tu te promènes partout, si tu te promènes pas partout. Mais il y a ça, il y a les chapitres de plus. Mettons dans Tales of Grace, si tu fais l'épilogue, tu débloques un paquet de nouvelles mécaniques, tu débloques un paquet de nouvelles situations. Genre le jeu te force, par exemple, à ce que tous les personnages féminins sont partis faire quelque chose, puis là t'es tout obligé de jouer avec les quatre gars. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que mécaniquement, t'avais jamais été forcé de jouer les quatre gars, fait que là, tu fais quelque chose de différent d'habitude. Ok. Puis là, ils se mettent tout... leur rôle. Puis là, ils se mettent à faire des jokes macho, puis à parler de leurs muscles, puis d'aller au gym. Ben, pas tout à fait, mais pour vrai, ça dégage des dialogues différents de d'habitude que t'avais pas vu dans le jeu normal. Puis qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup de cet épilogue-là? C'est qu'on parle d'un drôle de truc avec lequel on pourrait pas nécessairement se relier, là. Tu sais, quand tu lis Harry Potter, t'as de la misère à faire comme, ouais, moi j'ai pas de pouvoir, fait que je peux pas vraiment comprendre les problèmes d'un sorcier qui a des pouvoirs magiques, là. Mais tu peux. Ben, tu peux, là. Mais dans Tales of Grace, l'équivalent, c'est qu'il parle d'immortalité. T'as une fille là-dedans qu'on apprend qu'elle est comme un genre de robot. Bon, puis là, elle développe un petit peu des sentiments. Puis dans l'épilogue, la question principale, c'est qu'elle se rend compte, « Hey, je vais pas mourir, puis vous autres, oui. » Oh! Fait que là, il y a une partie de tout ça qui est de genre, « Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis les personnages, ils s'en parlent, puis ils développent là-dessus. Ça, c'est... Je trouvais que c'était comme vraiment un gros bonbon délicieux à la fin du jeu. Puis dans Tales of Zestiria, le dernier qui est sorti, j'ai jamais eu ces moments-là. Tout le monde meurt! Un bonbon délicieux. Non, mais... ils vont mourir naturellement. Là, la réponse à la question est peut-être un peu cucu, là, mais genre, ça fait comme... Vous allez avoir des enfants, puis je vais être là, puis c'est comme si vous allez toujours vivre un peu pareil. Puis... Elle va être là pour les petits-enfants, puis tout. Puis... T'arrêtes pas d'aimer juste parce que les gens partent, puis ça, c'est triste. Mais... Fait que c'est ça. Ça, c'est la fin de Tales of Grace. Oh. Il y a aussi beaucoup de questions sur la solitude. Genre, il y a des espèces d'entités suprêmes qui... Ils sont tellement tout seuls qu'ils deviennent des méchants puis veulent détruire le monde. Qu'est-ce qui se passe, c'est que dans l'épilogue, t'as le méchant du jeu principal puis le méchant de l'épilogue qui font genre, hey, écoute, on se ressemble plus qu'on pense. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas genre vivre nos vies de solitude, d'espèce de divinité suprême dans le cœur de la planète, mais ensemble parce que maintenant on est deux. Fait que là, ils vont vivre leur espèce de truc en couple dans le milieu de la planète. Ok. Ils s'en vont en vacances de lune de miel dans le magma. Ouais. Ça nous rapproche aussi de l'espèce de trope qui revient tout le temps dans tous les jeux Tales. D'habitude, le méchant, c'est un gros extrémiste qui avait des bonnes intentions à l'origine. C'est ah tout ouais. Le temps ça, le boss de la fin. Bonjour Hitler! Puis de temps en temps, tu dis, ouais, ok, ses intentions n'étaient pas si bonnes que ça, sa logique est vraiment, vraiment sautée. Puis d'autres fois, tu fais comme, je peux tellement me relier à sa situation, puis je comprends pourquoi est-ce qu'il a été jusqu'à un tel extrême. Des choses qui arrivent. C'est comme une bonne recette pour faire un méchant. Sauf que si tu fais ça tout le temps, tu sais, on peut se remettre en question là-dessus, mais ça reste que c'est une bonne recette pour faire un méchant. C'est quelqu'un qui fait quelque chose que tout le monde aurait fait. Mettons, le méchant dans Shadow of the Colossus, le gars, il veut sauver la fille, fait qu'il tue tous les colosses. Puis, c'est genre, sûrement que chacun de nous l'aurait fait, si on avait eu une épée magique puis un cheval full sympathique. Mais en réalité, on sait tous que c'était pas la chose à faire. Ouais, si tu le sais avec du recul que c'était pas la chose à faire. T'sais. Ouais, c'est ça. Quand tu le vois d'en haut, là, là, je pense qu'on va devoir prendre une pause parce que c'est l'heure que Anne-Marie agriche et qu'il va faire son hangout. Mais oui. T'as peut-être écrit dans le chat, ben oui. J'ai jamais vu. Pause! Ok. Puis ensuite, ben j'ai joué à 30 Flights of Lovin'. Oh shit! Ouais, j'ai joué comme ça d'après, on est de retour et on va parler parce que là Anne-Marie vient de m'annoncer ah, j'ai joué à 30 Flights of Loving. Je suis comme oh, on arrête la pause, on arrête la pause. Si vous êtes prêts là. Ben je sais pas, êtes-vous prêts? Ben oui, oui, oui. Parce que moi je suis prêt là. Moi je suis ouais, prêt. Ouais, c'est ton bon, bon, bon. Pi. Wow. T'as rien compris? Ben, au début, ça, là, c'est vraiment court comme jeu. Il me semble que c'est pas grand-chose, là. Je sais pas, là. Mais après ça, tout le long, genre, je me disais, oui, mais dans quel ordre ça va, les séquences? Hein? Dans quel ordre ça va? Mais j'ai joué aussi à Gravity Bone. Puis ensuite, avant j'ai joué après? Après. OK, correct. Puis ensuite, j'ai joué à 30 Flights of Loving avec le Director Commons. Ah, OK, ouais. Ouais. Ça, c'est intéressant, mais ça reste que... Ça aussi, c'est le fun. Oui. Pourquoi il n'y a pas plus de jeux comme ça? C'est vraiment fou, hein? C'est ça le commentaire. Ben, je veux dire, les autres jeux seraient peut-être trop longs. Je sais pas, c'est parce que le jeu est court, fait que refaire le jeu avec les commentaires, c'est pas même plus long. Là. Ouais, mais en même temps, c'est comme revoir un film avec les commentaires. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vraiment pratique. Je trouvais que c'était bien fait, c'était pas invasif. Les commentaires, là, c'est vraiment des petites bulles qui flottent un peu partout et des points d'interrogation. Fait que tu vas les chercher quand tu as le temps. Tu sais, ça altère pas vraiment ton gameplay. Là. Ça te permet de rejouer le jeu et, oh, by the way, tu peux aussi lire les petites bulles. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, c'est pas trop à rejouer le jeu une deuxième fois pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Là. Tu vas comprendre dans quel ordre ça va, tout ça. Là. Wow. C'est cute. C'est vraiment bien. Genre, relativement récemment, c'est-à-dire comme un an ou deux après avoir joué le jeu, j'étais tombé sur une vidéo de Aaron Signal qui analysait les jeux de Blendo Game. Ah, donc, oui. C'est un gars, là. Non, j'écoute ça. Et puis, il faisait... Il analysait un peu l'histoire du truc, puis tu fais comme... Parce que... un des trucs que je comprenais, c'est que... C'est juste des théories. Même... Hein? C'est juste des théories, par exemple. C'est juste des théories, mais en même temps, c'est parce qu'il te manque des informations. Même si t'as joué à Gravity Bone, même si t'as joué et à 30 Flight, il te manque des informations parce que 30 Flights of Loving, c'est comme le 7e jeu dans l'univers de le nom bizarre de l'agent secret dans le jeu. Fait qu'il y a comme des personnages que tu peux pas connaître sans avoir joué les jeux d'avant. Sauf que ces jeux d'avant, c'était genre des modes de Quake. Qui est un peu weird, là. C'est des jeux. C'est juste l'engin qui est utilisé, l'engin de Quake. Je sais pas, rapport ouais, avec ouais, ça. Mais c'est parce que, tu sais, ça fait 10 ans. Ok. Tu sais, c'était très rudimentaire, puis c'était pas super. C'était pas aussi bon que 30 Flights of Loving. Déjà, entre Gravity Bone puis 30 Flights, tu vois la différence. Tu sais, tu fais comme genre. Ok, il y en a un qui est comme vraiment. Plus poussé. Imagine, continue à t'imaginer cet écart de qualité et de raffinement, et là, remonte de 7 jeux en avant, puis là, ça va te donner une idée de ce que ça avait l'air au début. C'était limite si c'était pas juste des maps de Counter-Strike que tu fais juste tirer des ennemis. Là. Parce que c'était ça. Ils faisaient des maps. Ah, ok. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit sur le level design. Genre, juste pour être sûr que tu vas aller à la bonne place, que tu vas voir les bonnes choses, c'est vraiment super intéressant. Ah ouais. Jouer à ce jeu-là avec les commentaires. Ouais. Ça, puis Portal 1 et 2. Ah ouais, ça doit être pareil. Portal 1 et 2 ont des commentaires. Pour vrai? Ouais, des tracks de commentaires que tu peux activer. Ah, je sais ça. C'est une bonne occasion de rejouer à Portal 1 et 2. Ouais. Et fait que ensemble, ces trois jeux-là, avec les versions de commentaires, c'est probablement plus éducatif sur le level design que n'importe quel cours de level design que tu peux suivre au cégep, genre en technique ou en... Ben, après ça, bon, j'en ai jamais suivi, fait que peut-être que je me trompe, mais... Mais c'est juste cool de voir comme les contraintes. Ouais. C'est fun de voir les contraintes, là, comme... À un moment donné, le gars, il est blessé, puis il est à côté sur le bord de la porte, mais comme la façon que le personnage est fait, l'à côté directement à terre, ça aurait comme pas marché. Fait que finalement, la porte est un petit peu au-dessus du sol, mais il y a une boîte devant la porte. Non, ça il n'est pas du sol, sens, quand même autant. Mais... Oui, c'est ça, mais il y a une boîte devant la porte, puis il est assis sur la boîte pour qu'il puisse avoir comme une shape de gars assis, et non genre comme effoiré à terre, juste parce que ça marchait pas vraiment sinon. Puis pour que tu puisses pas passer par-dessus, parce que t'étais obligé de le prendre sur toi pour pouvoir continuer. Mm-hmm. Des affaires comme ça, t'es comme, c'est tellement clever d'avoir pensé détails. Ça. Ouais. C'est des détails. C'est que ça devient une sorte de mise en scène qui est aussi raffinée et précise qu'une mise en scène de cinéma. Parce qu'en cinéma, ils trichent tout le temps des affaires comme ça. Genre, ils vont mettre des boîtes de bois pour surélever un acteur, pour que la composition de l'image marche. Ils vont, tu sais, des fois, ils vont faire... Tu parles face à face. Ils ont l'air de se parler face à face, mais en réalité, l'autre acteur, il est loin en arrière. Puis, ouais, c'est ça. C'est des mises en scène très théâtrales, plastiques, placées, précises, qui font aucun sens dans la réalité, mais pour que ça marche dans le cadre de la caméra. Sauf que là, le cadre de la caméra, c'est first person, fait que tu te promènes dans tous les sens, tu regardes partout, fait que c'est comme... Faut que tu t'imagines, bon, où est-ce que le joueur va être pour... Faut que ça soit parfait partout, c'est ça. Ouais. Faut que tu dises, ok, là, le joueur, il va regarder la scène à cette hauteur-là, dans cette zone-là. Ah ouais, mais là, s'il s'en va par là, tu sais, s'il arrive de l'autre bord... il va pas voir la scène de la bonne manière. Ah ben, je vais bloquer le chemin. Comme ça, je vais le forcer d'arriver du bon bord. Puis là, il va le voir. Qui voit la belle scène que j'ai toute préparée. Ouais. Et donc, il frappe tout en passant par le mauvais bord. Ou bien, tu sais, il dit qu'il, dans les corridors, il va mettre que c'est comme ça pour attirer ton œil vers le sens du corridor. Des choses comme ça, pour attirer tes yeux au bon endroit. Puis ça, Portal, 50% des commentaires, c'est genre, ah ben là, on n'était pas capable d'attirer les yeux au bon moment. Fait que là, on a mis ça sur un bloc, on a mis une lumière dessus. Fait que là, c'est là que tu veux aller. Puis là, ça t'enseigne quelle mécanique pour qu'après ça, tu puisses faire l'autre partie du puzzle. C'est fou. Puis je suis sûr que si tu joues tous les jeux, là, action scénaristique, là, genre Les Walking Simulator qu'ils appellent. Non, ben oui, mais... Si tu joues à Dear Esther, toutes les plans sont... Non, au contraire, Dear Esther, tu peux trop te promener n'importe comment, je trouve. Non, je pense à... le voleur, là, qui ressemble à Indiana Jones. Uncharted! Nathan Drake! Bon, ouais. Lui, là, je suis sûr que la plupart des moments clés sont faits pour que t'arrives. Ils vont mettre un obstacle pour être sûr que t'arrives par la droite pour voir la scène du bon bord, pour que ça s'enchaîne bien avec le mouvement de caméra de la cutscene, puis blablabla. Je suis sûr qu'ils font plein de petits détails comme ça. Puis, t'sais, étant donné que c'est un jeu assez linéaire, ils peuvent faire ça puis polish au bout. Pis c'est comme ça qu'ils font que ça soit de faire un jeu aussi prenant qui, tu sais, genre tout le monde capotait là, sur le Uncharted 4, je pense, le dernier. Là, il y a scène de char qui est genre vraiment trop cool parce que les dialogues sont fluides. Puis là, c'est comme, ben ouais, ils ont enregistré 4 fois plus de lignes de dialogue que ce qu'ils ont besoin, puis il y a juste 1 million de branches, dépendant de par où est-ce que tu passes en char, puis c'est fait pour que tu puisses pas revenir en arrière en char, parce que c'est une montagne, puis là tu la descends, puis tu sais, tout des petits détails comme ça qui font que genre, l'expérience, peu importe le chemin que tu prends, peu importe comment que tu le fais, tu vas toujours avoir une bonne expérience vraiment cool. Puis quand le game design il fait pas bien sa job, puis qu'il te laisse faire quelque chose, que c'est un peu toi qui cours après parce que tu joues pas comme il faut, mais en même temps. Les joueurs vont tout le temps les mettre leur nez exactement partout, là. C'est ça. Fait que tu m'as pas empêché de le faire. Fait qu'évidemment que je suis allé là pour voir. Fait que ouais. Parce que ça, je l'ai vu dans Dear Esther, justement. Moi, j'ai exploré tous les raccoins des maps. Ben oui, on en a parlé plein de fois. Oui, oui. Et tu gagnes rien? Il n'y a rien. Tu te promènes. Tu fais juste perdre ton temps. Oui. Juste perdre ton temps parce que c'est même pas comme s'il y avait comme de quoi de beau. Tu sais, la semaine passée, je parlais de Shadow of the Colossus. Ouais, c'est toilette, là, il y avait plein de trucs beaux. Quand tu allais perdre ton temps dans des zones, c'était quand même évocateur, c'était poétique, ça te faisait réfléchir à l'état de ce monde-là, puis tu te demandais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Mm-hmm. Mais dans Dear Esther, si tu tombes dans la rivière, dans la grotte, tu vas juste te demander comment ça se fait que je peux pas marcher plus vite pour sortir de là. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de sprint? Mais tu vois, 30 Flights of Lovin', c'est vraiment pas un jeu qui prend ton temps. Non, il y a zéro perte de temps. Il y a zéro perte d'espace, en fait. Fait que même si tu décides d'explorer, il va y avoir de quoi, là. Tout l'espace est utilisé pour la narration. Rempli de petits détails que tu peux regarder. Tu sais, il y a la section du début, là, où ce que tu es dans l'espèce de hideout. Tu peux ramasser des guns, tu ramasses des balles. Tu fais comme genre. Je sais pas quoi ça sert, mais tu ramasses tout. Ça sert à rien, mais tu les ramasses. Puis les oies, tu peux pousser les oies dans l'eau, ça sert à rien, mais t'es satisfait. il y a des oies qui sont comme sur le bord d'une clôture, tu peux juste les pousser dans l'eau, genre. Ils font juste genre quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. C'est tout. C'est juste. Mais c'est satisfaisant. Ouais. Mais c'est ça, tout l'espace est utilisé, et tout ton temps est utilisé. L'utilisation des jump cuts, c'est intéressant parce que la raison qu'ils donnent, c'est la même raison. Tu sais, on dit souvent, je sais pas si c'est vrai, là, mais dans... c'est quoi le titre en français? Le film de Jean-Luc Godard, en anglais, il s'appelle Breathless. En français, c'est À bout de souffle. Ok. Je pense pas que c'est son premier film, mais c'est comme son plus célèbre, là, dans tous les cours de cinéma, il parle de À bout de souffle. Je peux plus ça. Puis je sais pas si c'est vrai qu'il a inventé le jump cut, mais il y a du jump cut là-dedans, puis c'est, en tout cas, c'est définitivement ça qui l'a popularisé. Mm. Puis la raison, c'est que il expliquait plus tard, il disait, ben, c'est con, là, c'est juste que les dialogues étaient trop longs, je voulais les accélérer, fait que je coupais en plein milieu des phrases. Puis, ça fait un film qui est littéralement à bout de souffle parce que ça va comme tout le temps un peu trop vite, puis t'es tout le temps un peu pris de court. Et c'est quoi le nom du gars qui a fait... Ben, le gars de Blendo Game là, qui a fait 30 Flights of Loving, c'est ça qu'il dit. Ben, il y avait des longueurs, fait qu'on a mis des jump cuts pour que ça aille plus vite. Mais c'est parfait, là, ça passe... Le jeu, déjà, il est pas long, mais... Il passe encore plus vite à cause des jump cuts parce que t'as jamais l'impression que tu perds ton temps. C'est ça. C'est toi que t'es comme bon, qu'est-ce qui va se passer ici, jump cut? Puis tu comprends instantanément, tu sais, ça aide à mettre l'état émotionnel du personnage parce que là, tu te sens constamment en panique, là, tu sais plus où ce que t'es, tu sais plus où tu en vas, un peu comme le personnage. T'es en fuite. Ouais. C'est ça, tu fais juste courir dans tous les sens, n'importe comment, tu fais comme qu'est-ce qui se passe? Fait que t'as ça, puis ben en plus ça va plus vite, fait que t'es mêlé. Ce qui est fou, c'est que c'est simple visuellement, mais comme toutes les émotions qui auraient pu vouloir passer sont toutes là. Je sais pas pourquoi j'avais entendu parler de David Cage aujourd'hui, qui est le gars qui fait Fahrenheit, qui va faire Detroit Become Human, puis il avait fait un statement à un moment donné que pas tout le monde avait été d'accord, qui disait genre il allait faire un jeu vraiment comme axé sur les sentiments et les émotions quand les pixels allaient être capables de le rendre comme faux. Ouais, c'est ça, il disait que la technologie n'est pas encore là pour vraiment bien transmettre des émotions dans un jeu. Pas capable de donner les émotions. Genre. C'est ça! Mais comme, les gens, leur tête, c'est littéralement un bloc, là. C'est littéralement un carré. Là. Toute l'émotion que tu pourrais vouloir est là, là. Yo, les films de l'ONF, c'est des petites barbouilles. Genre, des petits bonhommes cartoon barbouillés. J'en ai vu un dans un concours. C'était. Tu sais, la claymation, là, l'animation de trucs en pâte à modeler. Ouais. C'est fou, là. Il y en a une, c'était tellement touchant, là. Fait que, tu sais, c'est tellement. C'est ça, je comprends que ça peut être du doigt pour avoir dit cette citation-là parce que c'est tellement de la bullshit, là. Ben, j'imagine que quand t'es payé par Sony pour faire des jeux qui poussent les limites de la console, ben, ok, ouais. C'est sûr. Mais comme de dire qu'il n'y a pas encore assez de pixels pour rendre toutes les émotions que tu veux rendre, là, t'essaye pas, là. Sacré. C'est juste pas. Le pire, c'est que c'est les pixels. T'en as rien à foutre des pixels. Mais il y a vraiment des pixels. Tu dis que t'as pas assez de RAM, t'as pas assez de bone pour faire les animations, ton rig de face est pas assez précis. Les animations prennent trop de place, t'es obligé de les compresser, puis à cause de ça, ils sont pas aussi sharp. Mm-hmm. Ok. Mais qu'il te manque de pixels, c'est comme. Non. T'en as 1800 par 1900. Non. C'est bullshit. Parce que je pense à la fin de 30 Flights of Loving, pis. Ben. Ça fait juste 20 minutes que tu joues, pis ça t'arrache le cœur, là. C'est ça. C'est super efficace, là. Ça pourrait pas être plus efficace que ça. Fait que, ouais, bref, j'ai vraiment aimé ça parce que, waouh. C'est vraiment efficace. C'est genre un petit jeu, peu de moyens, c'est pas long, pis c'est tout ce qu'il fallait que ce soit, là. Dans n'importe quel écran d'ordi, il y a 2 millions de pixels. Ooh. Dans mon écran d'ordi, je viens de faire le calcul, il y a 2 millions de pixels. Viens me faire croire, David Cage, qu'il y en a pas assez. Mais là, les télé 4K... Oh non! Oh non! Je sais pas si je l'ai gardé la semaine passée dans le monde. Ah oui, je l'ai gardé. Ah, je sais pas, ouais! À la fin de l'émission, mon espèce de rant sur les 4K. Oh boy. C'est le futur, Anne-Marie. Pas le choix. Mais au lieu de parler du futur, savez-vous qu'est-ce qui se passe dans le présent? Quoi? Il y a les Steam Sales. Oui. Avez-vous acheté des choses dans les ventes? Ouais. J'essaie de pas y penser. J'essaie de pas y penser. Parce que là, j'ai trouvé il y a quelqu'un qui a tweeté une liste de petits jeux, ben pas de petits jeux, mais de jeux à moins de 5$ dans les Steam Sales. Fait que puis là, je trouve qu'il y a des très belles recommandations. Fait que, pourquoi pas en parler. Mais qu'est-ce que vous avez acheté avant? Avant, ça m'intrigue. Qu'est-ce que t'as? Ouais, là, je cherche, là, où c'est que je peux aller voir. Ben, check. Dans ton Steam, fais juste afficher en mode recent, ça va te dire c'est quoi que t'as acheté en dernier. Je peux faire ça. Ben oui. C'est la vue récente, c'est la meilleure vue de Steam. Pour vrai? Ben oui, pour voir les trucs que t'as acheté en dernier, puis les trucs que t'as joué en dernier, puis toute la merde que tu veux pas voir, il tombe en bas. Ça, c'est tout... ouais, c'est ça que j'ai joué la dernière fois, pas ça que je viens d'acheter, là. Normalement, quand tu viens les acheter, ils se mettent en haut de la liste. Pour vrai? Je sais pas. Tant. Non, c'est pas... Je pense que je suis mieux d'aller voir mes factures. Mais j'ai acheté des jeux justement en bas de 5$, genre des petits trucs narratifs qui avaient de l'air le fun puis qui avaient des bonnes reviews, là. En vrai, c'est pas mal ça, des petites expériences narratives. Pour moi, tu m'as peut-être inspiré, là, avec 30 Flights of Lovin'. J'ai peut-être même acheté des affaires qui étaient marquées, genre, vous avez joué à 30 Flights of Lovin', you could like that. ça se peut très bien. Il y a Transistor qui est à 5$. J'imagine que c'est 5$ US, là, parce que la liste, c'est sur Polygon, fait que ça doit être US. Ah ouais, ça doit. J'ai toujours pas joué. Mais c'est ça qui arrive, j'ai tellement de jeux que j'ai toujours pas joué, là. Ah ouais. Il y a Fallout New Vegas. Mais ça, je l'ai pas beaucoup aimé. Il y a Jet Set Radio à 1$. Ah, apparemment, c'est bon, ça. Ouais, j'ai... Ça se contrôle un peu mal, mais ça a bien de la gueule pour l'époque. C'est un jeu Dreamcast, fait qu'on s'en... J'ai acheté ça il y a un bon bout de temps. Ou peut-être que je l'ai eu gratuit. Je pense que Sega, il donnait des jeux à un moment donné pour un genre de sweepstake que tu participais, puis tu le pognais. Ça se peut. Je vais l'essayer bientôt. Ouais, j'ai acheté un jeu à 54 cents. Wow. Mais c'est ça que je fais pendant les ventes. Là. Je regarde ces prix-là, puis je suis comme, « Au pire, ce sera pas bon. » Ça a coûté plus cher de frais de gestion à ta compagnie de crédit. Genre. Oups. Quand même. Ouais. Non, mais 9,03 mètres. C'est à peu près 25 cents le coût minimal pour une transaction. Fait que, ouais. Il y a Her Story à quelques dollars. Je vais arrêter de dire les prix parce que je suis sûr qu'ils sont tous en dollars américains. Fait que les prix ne vont pas marcher en dollars canadiens. Il y a aussi que les gens vont recevoir le podcast puis vont faire comme, non, les prix sont pas bons. Oups. Gone Home. Ah, c'est bon, Gone Home. Ouais, je sais. Faudrait bien que j'y joue. Je sais même pas si je l'ai. T'as pas joué? Mais c'est juste... C'est quoi, là? J'ai pas d'excuses. Non, mais ça a tellement été un exemple. C'est ça, l'affaire, c'est que tout le monde en a parlé. Je sais tout ce qu'il y a à voir là-dedans, mais je suis sûr que le vivre, quand même, va être une expérience intéressante. C'est pas pire, j'ai joué sans avoir été vraiment spoilé, fait que... J'aime ça fouiller. Je me rends compte que dans les jeux, fouiller... Comme quand je vais à Dishonored, c'est ça que je faisais. Je fouillais dans les recoins de maison, j'ouvrais les portes. Quand je jouais à Shenmue au Dreamcast, qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais les tiroirs de la maison au début. Pour ça, le reste du jeu, je ne comprenais rien de qu'est-ce qu'il fallait faire. Papers, Please est en spécial aussi. Ah, c'est bon ça. Grow Home. Il y a Gone Home puis Grow Home. On a parlé de Grow Home, le jeu que t'es un robot qui va sur une plante. Oui. Il y a Downwell. Je pense qu'on... Apparemment que c'est bon aussi. Ouais, c'est aussi. Là, on a parlé de Downwell. Il est comme 1,5$ US. J'ai un petit jeu que ça a l'air que c'est un rhythm-based RPG qui est à 1$ qui s'appelle Before the Echo. Ça a l'air vraiment bon. Ben, j'ai entendu comme une review. Psychonaut, c'est bon, mais l'achetez-les pas sur PC. Quoi? Pourquoi? Il y a un tableau qui se joue pas quand même pas, pis ça a faim. Hein? Ah non, c'est parce que je jouais avec un clavier pis une souris, excusez, c'est bon. Si vous jouez avec une manette, jouez avec une manette. Achetez ça, c'est écœurant, jouez avec une manette. Ben, pourtant la version PC, quand ils l'ont sorti sur Steam... Ils l'ont remasterisé, puis ils ont simplifié la fin, ils ont rajouté des checkpoints, ils ont rajouté des affaires, parce que le Meat Circus, tout le monde disait que c'était impossible dans le temps, puis parce que c'était impossible, puis là, ils l'ont comme pas mal... Ils ont changé la fin, tu peux maintenant choisir si tu veux la version originale ou la version plus facile. Ah, ouais. Je pense. Ben, j'ai jamais remarqué. Il est une pièce. Il y a, oh, Brothers, A Tale of Two Sons. Ah ouais, ça vaut la peine ça, aussi. Ah, ça, là, j'ai braillé. Bon, fait que c'était nos recommandations pour la Steam Sale. This War of Mine à 5 piastres, je veux dire, ça a l'air vraiment bon, fuck. Plantera, t'avais-tu aimé ça? Je m'en rappelle plus, il semble qu'il n'y a pas tant. Non. J'ai joué... C'est tellement cute, puis je l'ai vu, puis je me sens neuf en a parlé, puis je l'ai acheté, il était genre une pièce et demie. Je n'ai déjà parlé, j'avais joué... Il n'est pas gratuit? Non, il est à 2 piastres, en ce moment, en vente. Ah, ok. Oui, j'ai dû l'acheter, j'ai dû jouer, j'ai joué un peu, je l'ai streamé, j'ai joué plus longtemps que j'aurais dû, à cause que je le streamais, puis, mais ça devenait vite redondant. Ah, c'est-tu un mot de clicker? Ben oui. Crap! Non, c'est un idle game. C'est pas un clicker. Un idle game sur un ordi. En tout cas, j'ai vu les graphiques, j'ai vu qu'il était à 2 piastres, je l'ai acheté parce que je suis de même. Un idle game sur un ordi? Dit elle qui parle au gars qui a joué depuis mais 2 ans à Clicker à Heroes. Hein? Tu peux retourner à ton travail cliquer une fois de temps en temps. Moi, ben, je veux pas booter mon ordi le matin en me levant puis booter mon ordi le soir juste pour genre. Tu le fermes? Oui, oui, je ferme mon ordi. Dans vie, il y a plusieurs sortes de personnes. Ouais, moi je ferme mon ordi. Il y a ceux qui aiment perdre leur temps. Il y a ceux qui éteignent jamais leur ordi. Je connais quelqu'un qui est suffisamment extrême que tout ce qu'il fait dans la vie roule sur une machine virtuelle au cas où il pognerait un virus. Donc son ordi est toujours allumé parce que c'est encore bien plus long d'allumer un ordi et de partir la machine virtuelle. Ah, il faut vouloir là, parce que des virus à moins de courir après le trouble là, mais genre encore du monde qui en les antivirus de Windows 7 et plus sont rendus très bons là. Celui de Microsoft qui est dans Windows puis que tu le sais même pas qui roule tout le temps ouais. Mais juste de savoir sur quoi ne pas peser dans vie ça ouais, ben, ça c'est le plus gros skill. T'sais, c'est sûr que si tu t'en vas sur un site de download illégaux, puis là, il y a 14 boutons download, il faut que tu saches repérer le vrai bouton download. Je sais pas, je suis jamais allé là-dessus. Ah, mon Dieu. Moi, j'ai amené... J'ai jamais fait ça. Ben, moi, ça fait longtemps, là, je fais plus maintenant. Non, mais j'ai dit ça, mais t'as pas regardé le sourire dans ma face, pis les auditeurs n'ont pas entendu le sourire dans ma face. Là. Ah, ok. Fait que donc, toi, ton skill de repérer le vrai bouton download parmi les 3 autres faux boutons download, ça, c'était bon là-dedans. Il est moins bon que j'aimerais le croire, des fois, par exemple. Ah, tu te fais pogner. Ça peut arriver. La plupart du temps, tout ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui me dit que j'ai gagné un iPad. Puis là, d'habitude, si j'ai pas fait le déclic, genre... c'est parce que je dois avoir bu une 24, puis... Blob! Je suis prêt à télécharger. Je suis heureux de t'annoncer, Blob, que tu es le 1 millionième auditeur de On a juste une vie et que tu as gagné un iPad. Gratuit. Clique ici et donne-nous ton numéro de carte de crédit pour qu'on puisse te transférer non, ça. Non, non, non. En plus, tu le sais que je suis à Mascouche, genre. Ça, c'est drôle, hein? T'as tout le temps les sites web là, qui disent « Hey, tu peux ramasser toutes les filles que tu veux dans Mascouche. » Tu sais, puis ils mettent ta ville parce là, que genre... C'est quand même métropolitain où t'arrives, là, où t'habites, là. Moi, quand j'étais jeune, là, jusqu'à 16 ans, là, j'habitais à Saint-Wenceslas. Que les chicks qui veulent fourrer à Saint-Wenceslas, là, il y en a pas plein. Hein? Parce que c'est quand même crédible, man. Le pire que j'ai vu, c'est la fois que ça disait genre Awesome Trick Discovered in Mascouche Casino. Il y en a pas. This Mascouche grandmother now looks 20 years younger. mon dieu. Vrai, c'est plus drôle avec Nascouche, mais. Ouais, c'est quand même drôle. C'était où tu disais que tu restais? Saint-Wenceslas. Personne connaît ça, là. On est genre, on n'est pas 1000 habitants là-bas, là. C'est pas. S'il y avait des filles de mon âge fourrables, je connaissais, j'allais à l'école avec, tu sais. Ça aucun sens. C'est si drôle. Parlant de ville complètement trou, j'ai appris cette semaine que quand les trois accords chantent une toune à Saint-Cyril de Wendover, il n'y en a pas des c'est une vraie ville. C'est à côté de chez Saint-Cyril nous, ça. De Wendover, c'est une vraie ville. C'est à côté de chez nous, ça. C'est sur Google Maps et c'est proche de genre Sherbrooke. Mais non, c'est à côté de Drummond. Ouais, Drummond, c'est ça, Drummondville. ma géographie du Québec, ça laisse c'est Drummond. Comme en bas, quelque part à droite. Là. Ben, et mes aïeux ont fait une toune sur Notre-Dame du Bon Conseil. Puis ça aussi, c'est à côté de chez nous. et là, ma petite sœur m'a dit, ben oui, Narf, t'es bien épais. Un ou des membres des trois accords viennent de cette ville-là. Ah oui, ils viennent de Drummond et des environs. C'est comme si je faisais un jeu qui parlait de Repentigny. Ça serait drôle. Mais Repentigny, c'est connu. Ben, pour le commun des mortels, je suis sûr que Repentigny, c'est autant connu que Saint-Cyril de Wendover, c'est-à-dire aucunement connu. Ben voyons donc. Ben là, c'est connu si t'habites dans les Montréal et les environs, mais si t'es aux États-Unis ou si t'es en France, c'est en foutre de Repentigny. Non, mais Saint-Cyril de Wendover, c'est quand même écrit sur l'autoroute 20, parce que je remarque souvent les gens, les noms de villes qu'ils connaissent, c'est ceux qui sont écrits sur les autoroutes qu'ils fréquentent beaucoup. Mais comme moi, ma ville, non, elle n'est pas écrite sur l'autoroute, ma ville. Moi, j'ai... Tu sais, les gens disaient genre, oh oui, quand tu vas à Québec, là, à un moment donné, là, t'arrives à la place et il y a des dinosaures. J'ai comme, j'ai jamais vu ça, voyons, mais c'est parce que j'ai toujours passé par la 40. Ah, oui. C'est la 40, en tout cas. Oui. C'est le nord qui va à Québec. Mais là, tu passes par Repentigny, tu vois. Mmh. Puis là, c'est là que t'as Saint-Cuthbert. Saint-Cuthbert. Mais ouais. J'ai ça, de la famille... du bord de ma mère, très... Moi, j'en revenais pas quand j'ai vu ça, c'est un dieu dans Donjon 3.5. Quoi? Saint-Cuthbert? Ben oui. Exactement écrit de même. Saint-Cuthbert. Ouais, c'est le dieu de la vengeance. Dans Donjon Dragon 3.5, il y a comme Obadai, puis tous les dieux classiques. Roliette et Saint-Cuthbert. Ouais. Ça m'avait bien fait rire. Moi, j'aime beaucoup les noms de villes en s'en allant vers Gatineau. Qu'est-ce qu'il y a des assez cool. Je pense que ma préférée, c'est Granville sur la Rouge. Ouh, j'ai pas vu ça. Granville sur la Rouge, ouais. Ah, oui, ça fait passes? Pas du tout penser à des jeux de mots dans la tête de tout le monde. Ben non, hein? Non. Mais par où tu passes? J'ai même ça. L'autoroute 50, maintenant. Ah, ok. Non, moi, je suis encore vieille la vieille, là. Je prends la... Je pense par l'Ontario. Ouais, c'est pour ça que je vois pas ça. Ok. Je pense que par là, t'as genre Saint-Élysphore aussi. Ah, oui! Saint-Élysphore. Ça, c'est écrit-tu comme Saint-Télescope ou Saint... Oui. Presque, ouais. Ouais, c'est pas Saint-Élysphore, c'est Saint-Télesphore. Je pensais que c'était... TH. Comme dans une hélice d'hélicoptère. C'est la Saint-Élysphore. Ça aurait pu. Je pense qu'il y a Rigaud aussi dans ce coin-là. Là. C'est la ville très populaire que personne ne sait vraiment c'est où. Mais tu peux revenir de là. Ouais, tout le monde en revient, mais personne ne sait comment y aller. Quelle belle chanson folklorique. Ouh, boy. Je n'ai jamais vraiment entendu, à part de la bouche de personnes comme des mononcles, des affaires de même. C'est vrai, hein? Ouais. Non, je pense pas avoir déjà entendu une chanson TP là, tu sais. C'est surtout les... RBO qui avait repris ça. Ah, ça doit être ça. Ah, mais moi, sur mon chemin sur la 417, je vois Hawkesbury comme dans la chanson de Jean Leloup. Ah, ouais, c'est cool. Ah, Hawkesbury. Ouais, c'est ça. Je pense que la sortie vers Hawkesbury aussi sur la 50. Ça se peut, ouais, mais c'est quand même proche. Hein. Ouais. Comme il y a une sortie pour Valleyfield aussi, puis je comprenais pas parce que c'est genre complètement bas, mais en tout cas. Juste dans la direction. C'est comme en sortant de Montréal, t'as une sortie pour New York, mais ça peut pas dire que t'es rendu. Mais, il n'y en a pas des jeux avec ces noms de villes-là. genre des jeux montréalais, des jeux qui se passent au Québec dans des villes perdues, comme les chansons parlent de. Parce que là, tu nommes. Tu sais, ça fait plusieurs tunes qu'on parle qui nomment des villes comme c'est ça. Vrai que ça sonne chanson. Québec, Montréal en ont beaucoup, les chansons, là. C'est ça. Fait, mais il n'y a pas. Y a, genre, je connais pas de jeux qui ont des trucs comme ça québécois. Je veux dire, il y a eu, y a eu des jeux folkloriques québécois sans froid. Mais j'aurais un affaire, je sais vraiment pas d'où ça vient parce que c'est des développeurs japonais, que un jeu que ça fait un bout que je veux parler, mais ça donne pas, mais c'est pas grave là. Dans. Voyons. Mon Dieu, j'ai juste Tales of Machin dans la tête. Ah! Edrian Odyssey. Bon. J'avais comme Tales of Etria, non, c'est pas ça. Dans Edrian Odyssey, il y a un petit RPG tactique que je joue sur 3DS. Il y a comme une fille dans mon groupe qui vient de l'Ontario. Littéralement. Ça dit qu'elle vient de l'Ontario. Mais tu sais, comme c'est un jeu fantastique, là, avec des provinces fantastiques pis toutes, mais genre, elle vient de l'Ontario, pis elle sait cuisiner avec du sirop d'érable, pis ce qu'elle aime dans la vie, c'est manger pis boire. Ah, je pensais qu'elle aimait Marineland. Ça aurait été parfait. Parce que tout le monde aime Marineland. Au début, je me disais peut-être qu'ils ont juste pris Ontario pour un nom de... Tu sais que ça donne que par hasard, ils vont chercher un nom de province, puis c'est un nom... Mais là, quand ils ont commencé à faire des jokes de sirop d'érable, j'étais comme, oh, non, c'est sérieux, là. La fille avait l'Ontario pour vrai. C'est peut-être... C'est un jeu japonais, tu dis? Mais oui! Ça se peut que ça soit la traduction qui ont fait ces jokes-là, parce que... Si ça se trouve, peut-être que... Les jokes de sirop d'érable. Non, mais pense-y, si... Imagine si la... Dans la version originale japonaise, ils font des jokes parce que la fille, elle vient d'une une région louche, ben pas louche, mais une région obscure du Japon. Fait que là, pour que la joke fonctionne aux États-Unis, ils font qu'elle vienne d'un pays proche, genre le Canada, d'une région. Puis là, au lieu de faire des jokes de whatever chose locale de la ville perdue au Japon, ben là, ils font des jokes d'Ontario et de Canada. Ils ont jamais... Tu sais, le Canada, t'en entends parler, là. Les Américains, ils savent-tu vraiment c'est quoi l'Ontario? À part ceux qui sont collés à sa frontière, mettons, là. Probablement plus que si ça venait de... une petite région, j'avoue, hein? Japonaise, là. Genre, je peux aller sur Google Maps, zoomer n'importe où sur le Japon, puis te nommer une ville. Ça s'est développé par Atlus. Ouais, c'est mais justement, c'est traduit japonais, en Amérique du Nord. Ben ouais, ah, c'est bien intéressant. Ben, c'est ben moi c'est mon guess. Ça se peut que les Japonais aient parlé de l'Ontario, mais je trouve ça plus probable que ce soit le traducteur qui était peut-être canadien, qui était peut-être américain, ait fait des jokes de Canada pour que les gens puissent au moins un peu comprendre la joke versus si ça avait été une ville trou du Japon que là personne n'aurait rien compris. Ça m'a tellement accroché, là. J'en revenais pas. Mais pourtant, tu sais, c'est ça. Il aurait pris une ville trou du Japon, mais je veux dire, ça se passe pas au Japon. Ça se passe dans un monde fantastique, genre, qui s'appelle Etria, tu sais. Ouais, mais si dans le texte, cette personne-là, dans la version japonaise. Elle vient elle quand est, même de, genre. Elle vient de peu importe si c'est dans la fiction ou si c'est comme une version fictive de Repentigny, là. Imagine si elle venait du Repentigny du Japon. Ouais, okay. C'est ça. Ouais. Genre, mettons qu'elle venait du Repentigny du Japon. Genre, les Japonais, ils connaissent rien de Repentigny. Autant que nous, on ne connaît pas le Repentigny. Fait qu'ils ont juste genre... Même si t'es dans un monde fantastique, puis là, ben, non, mais elle vient de Repentigny du Japon. Japontigny. Ça m'a bien fait rire. C'est vraiment super bon comme jeu. Avez-vous déjà joué un des jeux de la série Etrian Odyssey? Non. OK. Je vous avais peut-être déjà entendu parler de la prémisse. Là, fait que c'est un jeu, ben, ça a commencé sur DS, c'est rendu sur 3DS. Puis ça utilise le pavé tactile dans le sens que c'est un... Dans la façon que tu prends dans le monde, c'est un dungeon crawler. Fait que c'est comme une vue première personne des corridors, des chemins, etc. Et il n'y a pas de carte, c'est toi qui la dessines sur le pavé tactile. Ah oui, c'est ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est toi qui dessines les murs, c'est toi qui mets à chaque fois qu'il y a quelque chose de spécial, là, qu'il y a un obstacle, qu'il y a un coffre, qu'il y a quelque chose de particulier, c'est toi qui le dessines sur la carte. Fait que tu te fais ta propre carte. Puis il y a des petites choses qui te récompensent pour avoir une carte qui est vraiment bien faite. Aussitôt que t'as, par exemple, ça va... ça a le dungeon crawling classique que, mettons, là, tu commences dans le sous-sol, l'étage 1, sous-sol, l'étage 2, sous-sol, l'étage 3, etc. Ça descend tout le temps comme ça. Puis c'est les combats, ben dans le fond, c'est ça, tu marches, puis à un moment donné, par hasard, tu vas tomber sur une bébite. Fait que c'est surtout des combats random, à part pour des gros boss ou des bébites spéciales. Puis t'as ben, des personnages qui attaquent en tour par tour. À chaque tour, tu choisis ça va être quoi les actions de ton personnage, ça va être qui leur cible, etc. Ils ont des classes, ils ont tous des équipements. Fait que vraiment un RPG classique. Mais c'est vraiment une touche le fun que tu te promènes. Déjà que tu te promènes en dungeon crawler en first person, c'est quand même chouette. Ça fait changement. Et là, ensuite, que tu te fais ta propre carte avec tes propres petits symboles, là, genre, OK, ce symbole-là, ça va vouloir dire ci, ce symbole-là, ça va vouloir dire ça. Ici, il y a quelque chose de spécial, je vais mettre un point d'interrogation parce que je sais pas encore c'est quoi. Juste ça, c'est chouette parce que ça fait que chaque exploration du niveau est plus intéressante parce que t'as quelque chose à faire en même temps qu'explorer le niveau. Puis ensuite, quand ta carte est faite, ben là, tu fais juste passer à travers le niveau rapidement pour te rendre au prochain. Ben, parce qu'il est écrit en bas. Puis il y a des cartes qui te récompensent pour avoir une bonne carte, là. Par exemple, tu sais, t'as des cartes classiques de genre, va me tuer 12 rats parce que j'ai besoin de fourrure. Mettons. Il y a un gars qui va te dire genre, parce qu'il y a un petit peu. De la fourrure de rat. Ouais, c'est oui, c'est ça. Oui. Va me traire 18 rats, je veux du fromage de rat. J'ai besoin de ça, lait de rat. C'est le restaurant huppé qu'il y a dans le village. Juste des laits de rats. Oh! Mais il n'y a pas de crafting, mais l'espèce de crafting, c'est un peu bizarre. C'est comme intégré dans le shop, le petit magasin. Dans le fond, tu donnes tous les matériaux que tu pognes, tu les donnes à elle, puis elle va avoir des nouveaux objets dans son shop. Fait que tu n'as pas de crafting que tu fais toi-même, mais plus tu y fournis beaucoup de choses différentes, elle va avoir des nouveaux objets de disponibles pour toi que tu peux acheter. Mais c'est ça, en plus, dans les quêtes, il y a, à un moment donné, il y a un gars qui va dire, ben, moi, j'aimerais ça récolter, parce que tu peux récolter une couple d'endroits, j'aimerais ça récolter telle affaire, est-ce que tu peux me dire où est-ce que je pourrais trouver ça? Fait que ce que tu fais, c'est que là, ils te font apparaître ta carte en bas, puis tu vas peser exactement sur le point où toi, tu t'es mis un marqueur pour dire, hey, ici, on peut récolter des affaires. Fait que là, il dit comme, OK, je vais envoyer quelqu'un voir si t'avais raison. Là, s'il revient, puis c'était vraiment la bonne case sur les quadrillages, ben, là, t'as ta récompense. Genre. Fait qu'il faut vraiment que tu te fasses une carte qui est bonne. Ne serait-ce que pour pas rentrer dans des murs imaginaires, mais aussi parce que ça permet d'avoir des points comme ça. Puis à la longue, tu peux te faire du auto-walk. Donc, tu dessines un chemin avec des flèches. Fait que mettons que tu veux faire une. Tu connais déjà le niveau, là. Quand tu connais déjà tout le niveau, tu peux te téléporter des escaliers à l'autre pour pas avoir à marcher tous les niveaux parce qu'il y a toujours des combats aléatoires. Fait que c'est poche d'avoir à remarcher tout le temps puis faire tous les combats aléatoires. Oui. Ouais. Fait que tu peux faire un auto-walk juste pour aller à toutes les zones de cueillette. Fait comme ça, tu fais juste lancer l'auto-walk, là, tu t'en vas à ta zone de cueillette, puis là, tu reviens, puis après ça, tu peux continuer, ça. C'est plein de petits détails comme ça qui font que juste comme l'exploration puis le déplacement dans le monde, c'est ça le gros intérêt du jeu. C'est ça qui est vraiment intéressant. Les combats sont cool et tout, là. Les animaux ont les créatures, t'es bonne foi, puis là, quand t'es battu une fois, t'as ton information, tu sais, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi ses forces, etc. Est-ce que tout le monde qui joue a la même carte? Genre, si moi je me pars une game, est-ce que ça va être pareil comme ta game? Je sais pas. C'est un peu random. Je sais pas. Genre, est-ce que tu peux trouver les cartes sur Internet? Je sais pas. La dessiner. Oh mon dieu. Je sais tellement pas. Mais je sais que quand j'ai parti le jeu, il y avait comme deux modes. Il y avait le mode campagne avec le personnage prédéfini. Il y avait un mode où tu peux jouer au jeu puis faire ton propre bonhomme. Fait que j'imagine que dans ce temps-là, t'as pas l'histoire. Mais t'as tout comme le jeu, donc l'aspect RPG, l'aspect exploration aussi, mais tu choisis ton bonhomme, tu choisis ta classe, etc., puis tu choisis les gens qui vont être avec toi. Fait que tu fais un petit peu ton propre party, tandis que là, moi, celui que je joue, j'ai le personnage principal, puis mon party, à date, c'est tous des gens qui sont arrivés à cause de l'histoire. Là. C'est des personnages importants, fait que j'ai pas choisi leur classe. Ils se sont joués à moi parce qu'ils sont importants pour l'histoire, fait que je deal avec la classe qu'ils ont. Là. Fait que, j'imagine que dans ces deux modes de jeu-là, les maps doivent pas être pareilles. Dans le mode où tu choisis ce que tu fais, peut-être que les maps sont générées random. Tandis que là, je sais pas, parce qu'il y a des maps, il y a comme des choses qui sont placées, qui sont importantes pour l'histoire, qui sont importantes pour les quêtes. Fait que je suis pas certaine que ça soit complètement random. Puis là, toi, t'as joué auquel, là? Parce que Adrian a décidé, il me semble que ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Il y en a une beurrée, mais dans le fond, moi, je savais pas, j'en ai pas mis un. En fait, il était en vente sur le Nintendo Shop, fait que je l'ai téléchargé, en fait. Mais je les avais déjà vus comme les boîtes et tout, en allant dans des magasins, puis je trouvais que ça avait de l'argent. C'était un jeu de DS avant, là. Oui, c'était sur DS en 2000. As-tu tout été sur DS? Non, le 4 est sorti sur 3DS. Ouais, ouais, non, ça je veux dire, mais ça a commencé, cette série-là a commencé sur DS. Ouais. Dans le fond, moi j'ai. En 2006, ouais. Dans le fond, moi j'ai joué à Etrian Odyssey Untold de Millennium Girl. Dans le fond, le Untold, c'est parce que c'est des remakes. Donc, en gros, apparemment que c'est un remake du 1, selon Wikipédia. Ouais, fait que c'est un remake du 1 en 3DS avec des cutscenes animées puis du voice acting. Bon. Fait que c'est probablement. Les cutscenes sont toutes cute, sont toutes belles, là. Fait que c'est probablement, tu sais, vraiment mieux comme ça, j'imagine, là. Mais ça reste que les mécaniques, ça doit être très très semblable. Fait que c'est comme si je jouais au premier, mais c'est un remake. Je sais que le remake. Je présume qu'il y a le remake du 2. Oui, c'est un remake du 2 selon Wikipédia de Fafnir Knight. C'est sorti quand même récemment, là. C'est sorti comme l'année passée. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas fini de faire des remakes, là. Je sais pas s'ils vont tous les faire, là. Sont-ils sortis ailleurs qu'au Japon, les autres? Ouais, ils sont tous sortis en Amérique, le 1 à 4, puis les deux remakes. Du 1 et du 2. Et c'est vraiment bon. Pour vrai, à date, là. C'est exclusif au DS, je suppose, parce que oui. Je vois pas bien comment ça pourrait fonctionner. J'avoue que niveau game design, c'est pas mal. Ça fit avec ce que la console fait bien. C'est-à-dire des boutons pour faire les combats, puis tu dessines ton plan avec ton crayon. Ouais. Ça, c'est une affaire qui... Je sais pas. Je pense qu'il faudrait que je me trouve un stylet de DS avec une petite corne pour te mettre autour du poignet. Pourquoi? Parce que je trouve ça tannant que là, tu te bats, t'as pas besoin du stylet, puis là, il est dans tes jambes, fait que tu le déposes. Puis là, t'arrives, faut que tu dessines la map, fait que là, faut que tu repognes ton stylet, puis là, tu dessines la map. Là, il y a un combat parce que c'est un combat random. Là, tu déposes ton stylet, tu fais ton combat. Des fois, j'essaie de le tenir avec le... Ouais, c'est ça, tu le tiens dans tes doigts. Tes doigts, là, genre. Ouais. Mais c'est tannant. Mais c'est que j'ose pas le déposer. Mettons que je joue FWRN dans mon lit, là, j'ose pas le déposer partout parce que j'ai peur de le perdre dans le néant. Non, c'est là. Sûr. Dépose-le. Tout le monde perd. Garde-les coincés entre tes doigts. Ouais, mais c'est tannant. C'est vrai que ça gosse. Moi, j'avais un truc pour le garder entre mes doigts là, quand dans je jouais à Kirby Squid Squad. Là, mon stylet était comme à l'envers dans mes doigts, mais c'est pas grave. Je flippais ma main juste pour comme peser sur mes choses. Qu'est-ce que j'aurais aimé, là, c'est qu'ils pensent à faire que les boutons du 3DS puis du DS, là, il y ait un petit creux pour rentrer le bout du stylet dedans pour peser sur les boutons A, B, X, Y avec le stylet aussi. Ouais. Le vieux DS, le premier gros DS fat, il était de même. Ben, il était convexe, mais il était pas fait pour recevoir le stylet, surtout que le stylet est encore plus petit. Ouais. Mais les boutons étaient... plat avec une petite... J'ai dit convexe, ils sont concaves. Concave, ouais. Tu l'as dit, puis j'étais comme ça. J'avoue que de faire des boutons creux, ça serait... C'était concave, qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas mal cave. Et con. C'est ça. Mm-hmm. Donc apparemment, ils ont l'air un espèce de spin-off de Etrian Odyssey avec Persona. Ça s'appelle Persona Q, Shadow of the Labyrinth. Ça me donne envie de jouer, là. C'est-tu juste sur 3DS, ça? Là, Anne-Marie, c'est parce que là, je viens de jeter un œil à la feuille de route, puis là, je vois Anne-Ma jouer à un porno. Ouais. C'est parce que je me suis fait dire aujourd'hui, je jouais sur Steam, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis qui m'a dit, c'est pas un jeu porno, ça. Ouais. On m'avait donné des bars. C'est drôle, là. C'est juste drôle. Je joue parce que c'est drôle. Jugez-moi pas. Non, c'est rien. On a fait un party de gaming récemment, puis j'ai sorti tous les jeux porno qu'il y avait sur Atari 2600, puis on les a tous essayés. Hey, des gros pixels! C'était réaliste, là! Ça doit être hilarant. Oui. C'était hilarant, ouais. T'as-tu joué le gars qui se promène avec un gros pénis de 3 pixels, puis que là, il y a une fille attachée, là? Ouais. C'est comme un jeu sur un viol. 3 pixels rectangulaires là, en plus, fait que ça a l'air encore plus long. Les pixels sont pas carrés sur ce console-là. Ah oui, c'est vrai! Oh my god! D'ailleurs, je jouais à quoi de pas trop pixelisé, mais c'est comme un jeu hentai, dans le fond. Vous n'avez peut-être entendu parler, c'est Honey Pop. Ça a quand même été populaire, genre, comme dans la dernière année, là. Parce que moi, j'avais entendu plusieurs YouTubers en parler, j'avais entendu des bonnes critiques. Dans le fond, c'est un jeu de match 3. Pis si t'es vraiment bon, ils vont enlever leur linge. En gros, là, t'es un genre de player, pis tu dates plein de filles. Puis chaque date, c'est un player, player. Ouais, un player, player. Ouais. Chaque date, c'est une game de match 3. Puis pour vrai, là, j'en échoue une sur deux. C'est pas si facile que ça. Parce que match 3, moi, j'ai pas, ben, je sais pas, je suis pas bonne match 3 quand t'as un nombre de moves limité. Moi, je suis bonne quand t'as un temps limité. Parce que je suis genre, ah, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac. Mais quand t'as un nombre de moves limité, il faut vraiment t'obtiennes vraiment beaucoup de points. Des fois, je suis comme, je sais pas, je vois des matchs de 3, fait que j'ai fait. Puis j'optimise pas dans ma tête pour avoir les meilleurs matchs possibles. Je fais juste faire des matchs. Le pire, c'est que je serais probablement bon. Mais c'est drôle, c'est con, c'est tellement irrévérencieux. C'est clairement 18 ans et plus, là. Vraiment beaucoup, là. Et c'est juste, c'est tellement nono. C'est drôle. Mais pourquoi? C'est ça. Tu fais des matchs. Parce qu'on m'en avait parlé, puis je dois l'avoir pogné pas cher. Puis c'est un jeu de match 3. Ça faisait longtemps que je me cherchais un jeu de match 3 aussi. Mais tu sais, j'ai 700 jeux sur Steam, là. C'est clair qu'elle allait en avoir un porno dans la game. Non, je sais pas. Mais. C'est juste, on m'avait dit que c'était quand même bien fait. Genre, c'est ça, les critiques que j'avais eues, c'est que c'est quand même le fun. Puis oui, c'est quand même le fun. Oh man, ça veut dire que ça ne fait que confirmer Elle a juste joué à ça pour le game design. Mais oui, c'est ça. Non, mais le game, il y a des images hentai dans le game design, ça fait partie du jeu, là. Moi, je lis le magazine Playboy uniquement pour le game design. Non, mais pour vrai, c'est qu'en plus, j'y pense comme dans l'idée d'un jeu porno, mettons, là. Puis là, qu'est-ce que tu reçois de temps en temps, ils t'envoient comme une photo, là, genre, haha, je me suis pris en photo, je me montre les seins, hein. Fait que c'est ça que t'as, là, mais comme, y a pas 3D, là, c'est un jeu avec juste des images. T'sais, ça n'a pas coûté cher à faire. Ben, il est clairement pas tard, là. Mais comme, non, mais c'est parce que je me dis quelqu'un qui veut vraiment se masturber là-dessus. Il n'y a pas tant de matériel que ça, là. Pour vrai, là. Il bouge pas, les filles. Probablement les deux mains occupées, là. Oui, mais c'est ça aussi, parce que j'ai réussi à coucher avec une fille aujourd'hui. OK. J'ai-tu le droit de parler de choses vraiment du tabou? Absolument. Ouais, OK. On a juste une vie, Anne-Marie. Pas le temps de niaiser. Ouais. Parce que je trouvais ça vraiment hilarant, là. Fait que, tu sais, je suis toujours. Moi, je suis pas habituée de consommer de la pornographie, là. Fait que, à chaque fois que je vois des affaires comme ça, je suis comme. Je connais trop pas ça, je suis comme. Bref, tu sais, je suis vraiment, vraiment immature. Parce que je sais pas. Fait que, bref, j'ai fini par coucher avec la fille, pis en fait, là, c'est le seul match 3 qui. Ce qui compte, c'est la vitesse. Là, t'as une jauge de plaisir de la fille qui monte, mais elle descend aussitôt. Fait que faut que tu fasses des matchs vite, vite, vite, vite, vite, pour atteindre le max avant qu'elle redescende. Pendant ce temps-là, la fille a joué, puis quand t'atteins au bout, elle a un orgasme. Yay! T'as réussi. Mais c'est ça, c'est que je me disais. Ça marche dans la vraie vie, hein, Anne-Marie, by the way. Ouais, c'est ça, faut que t'ailles le plus vite possible. Faut que t'ailles le plus vite possible. Tout le monde sait. Si t'arrêtes, là, non, là, ça arrête tout. Ouais, c'est ça. Mais pour un gars, oui, mais là, c'est toutes des filles. C'est ça le problème, en fait. Mais... ouais, je pense que, ouais. Clairement, ce jeu-là, t'imagines du point de vue de gars, comment c'est pour la fille, alors que, clairement, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça, c'est comme le seul moment qui doit être comme excitant, entre guillemets, pour un joueur, c'est ça, tu sais, parce que tu l'entends faire des bruits pis tout, mais... Oublie ça, là, t'es occupé à faire des matchs de 3 le plus fucking vite possible. Sinon, ça marche pas, là. Tu peux pas avoir une main occupée à faire. Ben, en fait, ouais, t'as juste la souris. Et là, Krim, faut vraiment que tu sois fort pour faire les deux en même temps. Non, je ne pense pas. À moins que ton trip, ça soit de matcher des cubes, pis que là, c'est ça qui te fait ton plaisir personnel en même temps. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je veux dire, c'est pas tellement la pornographie, parce que c'est pas là juste pour que tu puisses le consommer, l'absorber, puis toi, faire ce que tu veux avec tes mains en attendant. Ça reste que c'est un jeu, fait que c'est interactif, faut réellement que tu joues. Si tu veux avoir des filles tout nues, faut réellement que tu travailles pour. Comme je disais, les dates, j'ai fait une fois sur deux, c'est super dur, genre, remplir la jauge, parce qu'il y a plusieurs types de couleurs, puis il y en a qui font plusieurs affaires, puis il y a des filles qu'il y en a qui veulent pas, puis ils veulent d'autres couleurs, puis en tout cas. Fait mais des fois, t'es juste pas chanceux, comme dans les pièces qui tombent, là. C'est le problème de ces jeux-là. Oui, c'est ça. Des fois, ça gagne seul, des fois, ça perd seul. Ouais. Là, c'est ça. C'est un match 3 un peu comme ça. Je veux dire, oui, un peu de stratégie comme les matchs. Faut tes voix, mettons, là. T'sais, si t'as pas remarqué que tu pouvais faire une ligne de 5 à quelque part, ben, you're lost, tu sais. Mais au-delà de ça, c'est ça. Il y a des dates où ça marche juste vraiment pas. Puis là, la fille, elle t'envoie chier, puis elle fait comme. C'est vraiment une date de merde. T'as pas eu son consentement. Ouais. L'affaire, c'est que tu peux pas. Tu peux jamais descendre dans leur estime, tu peux juste monter. Fait que dans le fond, C'est vraiment trop facile. C'est clairement un jeu de gars. C'est exactement ce que je disais. Parce que c'est juste à recommencer de même. C'est ça comme ça qu'ils s'imaginent. Si je continue, si je réessaye, là, elle va finir par dire oui. Alors que puis en plus, d'être 8 filles en même temps, puis tu sais, il y en a qui sont plus gênés, puis qui sont comme, j'espère que tu vois pas d'autres filles en même temps que moi, puis t'es comme, non, non, chérie, il y a juste moi dans ton cœur. Là, aussitôt que t'as fini avec, ou qu'elle est trop fatiguée, ou de quoi, bye, puis tu vas avoir une autre, tu sais. Oh c'est tellement con, là. Ou genre, juste, ben des fois, c'est dans la même pièce, genre, ben, je veux dire, au même endroit, là, comme ils sont tous les deux au centre d'achat, mettons. Parce que ça donne qu'ils étaient tous les deux là, fait que là, t'en vois une, aussitôt que t'as fini avec, tu vas voir l'autre. Wow. J'écoutais le joueur du grenier critiquer un jeu sur Sega CD hier. Ah, parce qu'il jouait... voyons. C'est le joueur du grenier, je pense, dans un hors-série, il a fait un spécial sur les jeux FMV. Puis à la fin, il a abordé les jeux porno FMV. Je savais même pas que ça existait. J'ai jamais pensé à ça. Mais c'est ça, ça c'est, fait que c'est un jeu en vidéo. Puis c'est ça, il dit qu'à un moment donné, t'es comme au gym, puis tu peux croiser toutes les filles qui sont là, mais comme, ils sont toutes dans la même pièce, là. Aussitôt qu'il y en a une qui te rejette, tu passes à la prochaine. Ils sont toutes dans la même pièce. Ça coûtait moins cher de tournage, là. C'est quand même un vrai non, mais film. Non, mais... C'est juste con. Genre, toutes les histoires d'horreur que les filles racontent au sujet de gars qui les approchent de façon vraiment louche, genre, toutes ces histoires-là, ça se retrouve... Ce que tu me décris dans ces jeux-là, c'est ça. Fait que c'est quoi? C'est les gars, ils ont trop joué à des jeux de même... Ils ont le pire, de porno, puis ils s'imaginent que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Je m'en souviens de ce test-là, puis le pire, c'est que des fois, la bonne réponse pour avoir la fille, c'est quelque chose d'absolument dégueulasse. Si tu choisis la réponse qui a l'air passablement gentille, mais ils sont tous un peu dégueux à leur façon, mais genre, tu perds. Il n'y a aucune logique. Je suis triste parce que, tu sais, tantôt tu disais que t'as cliqué ce jeu-là juste parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé, puis il y a des gens qui l'ont essayé juste probablement parce qu'il y avait des seins dessus. Fait que ça veut dire que toutes les pubs de merde qu'on voit de jeux, surtout des jeux mobiles, là, que tu regardes la bande-annonce, puis c'est rien que des seins puis des fesses de bord en bord, puis tu fais comme, y a-tu un jeu là-dedans derrière ça? Puis là, je suis comme, mais qui clique là-dessus? Non, mais... Maintenant, j'ai ma réponse. Anne-Marie pour tester. Oui. Puis les YouTubers pour... Puis après ça, j'imagine qu'il y a des gens qui sont comme... Ouais, des saints! Yeah. Ouais, c'est ça. Non, il y a quand même une catégorie de gens que c'est leur stock, là. Ou bien que tu joues à... Qu'est-ce que j'ai vu comme pub l'autre fois? C'était un jeu de magasin, là. T'as comme un magasin. Fait que t'as la pub, là, ça dure 15 secondes, là, tu vois le magasin, puis là, tu ramasses de l'équipement, puis là, tu donnes des règles. Puis là, à la fin, là, c'est comme t'as une image statique, l'image qui dit, genre, « click now to install », là. Mm-hmm. Puis là, c'est comme une espèce de fille avec une pose complètement weird, genre, avec un chandail trop serré, puis c'est comme, « Ah, come on! » C'est quoi le rapport? Genre... Ah, mais je regarde sur Steam, genre, Honey Pop, là, le rating, c'est overwhelmingly positive. Ah, boy. C'est fou, hein? En même temps, c'est des fois sur Steam, quand un jeu est très underground, ça va faire que puis avec une audience très niche, ça va faire qu'il y a juste les gens... Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont tomber dessus. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont... Ceux qui vont le trouver, c'est ceux qui le cherchaient ou qui aiment vraiment ce genre de jeu-là. Fait que ça fait que les reviews sont positives parce qu'ils ont été écrites par des gens qui aiment ça. Ouais, c'est ça. Les gens vont pas reviewer ça pour le fun, là. Ouais, c'est vrai. Alors que quand un jeu est immensément populaire, là, les gens... Tout le monde... T'sais, comme... Ouais. La critique de Call of Duty, là, les critiques sont tout le temps genre mais sur Steam parce qu'il y a juste tellement de monde qui voit ça puis fait ah, je vais aller écrire une review de merde de Call of Duty. Mais la façon que j'ai découvert Honey Pop, moi, c'est via Dodger, qui est une youtubeuse qui fait quasiment juste des dating sims maintenant, là. Fait qu'elle joue à des jeux de merde, mais c'est sa job, genre. C'est sa job de jouer à des jeux de merde sur Internet. Les gens la voient. Elle fait toutes les voix, elle fait plein d'affaires, c'est hilarant, tu sais. Fait que C'est ça son trip, c'est super drôle, là. Fait que j'avoue que c'est ça, j'ai découvert ça par quelqu'un qui, comme, c'est vraiment son marché de jouer à des jeux de même, là. Mais c'est ça, je regarde, mettons, Steam me recommande des affaires, genre, vous avez aimé Honey Pop, vous aurez aimé telle affaire, mais c'est tout des visual novels. Mais lui, c'en est un qui, je trouve que la différence, c'est que c'est un dating sim, mais comme, il y a vraiment un jeu dedans. Il y a vraiment un jeu de match 3, là. Hey, là, Anne-Marie, des dating sims, pas des visual novels, excuse, des visual novels. Mais souvent, les dating sims, sont des visual novels. Ben ouais, c'est des vrais jeux parce qu'il faut que tu trouves exactement comme tantôt. Là, j'ai vraiment planté tantôt, là, je viens de me faire dire, c'est parce que quelqu'un a parti un micro-ondes dans la maison. C'est fou, on a vraiment un problème. À chaque fois que quelqu'un parle au micro-ondes, là, toute l'Internet s'en va. Je vous ai vraiment parti, mais j'ai cru comprendre que vous avez parlé des choix que tu dis à la personne. Puis c'est ça, je pense que le dating sim... Mais de choisir qu'est-ce que tu lui dis, là, je pense que c'est le dating sim. L'aspect jeu, c'est dire la bonne affaire pour que la fille veuille coucher avec toi. Là. Ouais. Fait, c'est ça, faut que tu choisisses tes phrases. Fait qu'il y a quand même un peu de ça dans Honey Pop, sauf que le seul avantage d'avoir dit l'affaire qu'elle a voulu entendre, c'est que ça te donne plus de points, mais t'en perds pas si tu dis quelque chose qu'elle aime pas. Tu vas quand même pouvoir finir dans ses culottes, si j'ai bien compris. Là. Ouais. Mais c'est super drôle parce que à force de parler avec les filles, des fois, ils te posent des questions, des fois, tu leur poses des questions. Quand tu leur poses des questions, il y a plein de choses que tu peux apprendre sur elles. C'est quoi leur nom de famille, qu'est-ce qu'ils font dans vie, qu'est-ce qu'ils ont étudié, c'est quoi sa couleur préférée, c'est quoi sa date de fête, etc. Puis, ce qui est super drôle, c'est que la fille, souvent, là, plus t'en sais des affaires, plus quand tu vas vouloir y parler, quand elle te pose une question, elle va te dire, bon, là, je vais voir si tu m'écoutes vraiment. C'est quoi ma date de fête? Là, oui, c'est écrit quelque part dans son, c'est écrit dans son profil, sauf que aussitôt qu'elle te pose la question là, si tu vas dans son profil, tout est caché puis ça te dit, haha, fat chance cheater. Fait que, tu t'en rappelles? C'est super drôle. Fait que si tu l'as pas, tu perds pas de points, là, comme. Est déçu, mais j'ai pas cru comprendre que tu perdais des points, là. Mais si tu l'as, est comme, oh, you really care. C'est super drôle. Mais comme, c'est pour ça que j'essaie de clasher le jeu là, parce que dans pas long, je me rappellerai plus c'est quoi les dates de fête de toutes les maudites 8 filles là. Oh mon dieu! Mais là, j'ai juste commencé à jouer! Chiffres. Je suis même pas capable de retenir ma date de fête! Hey, la date de fête, sa saison préférée, sa couleur préférée, c'est quoi sa taille de sein? Sa grandeur, et la grandeur, c'est dur, là, on s'entend là. Ça va tout en 5 filles là. Oh my god! Enfin, j'essaie de clasher le jeu parce que si je m'en rappelle, genre, on va faire des points plus vite. Hein? Il va falloir que tu te fasses une grille Excel. Genre. Ah, il y a clairement du monde. C'est clair que c'est disponible sur Internet, là. Comme un player. Sûr, comme un vrai player. Ah, c'est tellement con. Mais je sais pas, je trouve ça. Un autre affaire aussi, ouais. Peut-être, je sais pas, réflexion féministe sur ce jeu-là. Mm-hmm. Je veux pas faire un statement sur le jeu. C'est juste que le jeu te permet de jouer comme un gars ou une fille. Puis, t'as tellement des répliques de fucking player. Puis, il y a des filles qui ont vraiment des répliques de même aussi. Moi, j'ai décidé de jouer une fille, là, mais comme. On dirait que je me sens pas tant bien. On dirait que j'aurais dû mettre un gars. Parce que si tu dis niaiserie, comme « Oh, you're such a dick! » Parce que c'est tellement l'espèce de flirt hétérosexuel qu'on voit partout dans la culture pis qui est comme ultra... qui est vraiment too much, qui est hyper exagéré. Que le personnage, ce soit une fille, je suis comme quasiment mal à l'aise. Genre. C'est bizarre. Ça fit pas. C'est vraiment weird. Tu sais, pourtant, je suis sûre qu'il y a des lesbiennes qui sont capables d'avoir des discussions comme ça, haha, come to mom. Mais ça fait weird! Ça fait full weird parce que c'est tellement du gros flirt dégueu, dégoulinant, comme tu vois dans les films pis dans les vidéoclips, que je me sens quasiment mal d'avoir choisi de jouer. Parce que ton bonhomme, tu le vois jamais, là. C'est juste dans les répliques, là, que les autres filles vont dire, hey girl! Mais, tout ce que ça change, c'est que sinon, il aurait dit « Hey boy! » C'est tout, là. C'est... Ça change rien d'autre. Ouais. Mais ça fait drôle. Ça fait drôle. Parce qu'on dirait qu'on est juste habitué de voir ce comportement-là, homme-femme. Moi, les seuls endroits où j'entends parler... Vu que j'écoute pas la TV, tu te dis « Ah, c'est ce qu'on voit dans les films, puis dans les trucs... » Ouais, mais c'est pas c'est full dépréciateur, fait, là. C'est où les endroits que j'entends parler de ça, c'est quand mes amis filles disent qu'ils se sont fait cruiser de même. Puis qu'ils étaient comme genre... Arc, va-t'en. Qui se sont fait harceler. Fait que tu racontes ça, puis là, je me sens comme vraiment mal pour toutes les gens qui m'ont raconté ce genre d'histoire-là. C'est weird qu'il y a quelque chose de aussi harcelant puis aussi dégueu. On associe ça aux relations hétérosexuelles. C'est plus ça qui me fait réaliser, genre. Ah, OK. Je sais pas, c'est culturellement, là, c'est ça, genre. Ouais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'aurais vraiment l'impression que genre quelqu'un d'homosexuel serait plus respectueux que ça. Je sais pas pour... je sais pas d'où ça vient. C'est weird. En tout cas, Parce quelle que question. c'est pas une question d'être hétérosexuel, je pense que c'est une question d'être gars macho Ouais. colon. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, C'est c'est pas. l'espèce de stéréotype culturel de gars macho colon pis de filles pétasses. Genre. Je sais pas si vous utilisez ce terme-là chez vous. Génial. Ça me donne tellement envie de jouer à ce jeu. C'est con. Faut juste que tu dises. C'est ça, c'est pour ça que je vais pas faire un statement féministe là-dessus, là, je veux dire. On serait pas sortis du bois, là. C'est super dépréciateur, là. Malgré Ah que, tu non. sais, je veux dire, il y a des filles qui sont plus comme genre, je contrôle ma sexualité, je suis une fille forte. Ok, mais tu sais, il y a une porn star aussi, là. T'sais, t'sais. Je veux dire, c'est des tropes complètement dégueulasses. Mais c'est là pour être une blague aussi. C'est pour ça que, je veux dire, je considère que je suis une féministe qui fait la différence parce que. C'est un jeu de 18 ans et plus, c'est marqué dessus, là. T'sais. T'es pas Ouais. supposé avoir accès à ce contenu-là Moi, avant. mon. T'es supposé être averti, là. Fait que, Non, t'sais, non, non. donc, ça s'adresse à des adultes, pis. Je pense pas que le problème, c'est que des enfants jouent à ça. Moi, je pense que des gars colons machos jouent à ça. Puis que là, ça renforcisse. Tu penses-tu? Ben. Parce que toi, t'as l'air d'y jouer de manière sarcastique. Genre, Oui, c'est ça, ouais. tu Moi, joues j'y en joue parce trouvant que ça drôle. je trouve ça hilarant, ouais. Mais pour chaque personne qui joue en trouvant ça drôle. Tu peux être sûr qu'il y a une ou plusieurs personnes qui jouent comme Tant que de ça. manière sérieuse. Ben, je pense que tout le monde est au courant que c'est complètement irréaliste pis sans dessin, mais tout le Oui. monde ne sait pas exactement où la ligne est supposée être. Genre, tu sais, si Ouais, toi tu c'est vas bon ça. trouver ça 99% irréaliste, peut-être que les gens qui font comme genre, qui vont aimer ça, eux autres ils vont trouver ça juste 25% irréaliste, puis c'est 75% vrai, c'est comme ça qu'on crosse des filles. Hein? C'est ça, t'as fait toute la gang, tu leur dis. On a Tous juste des à mensonges, tout ce qu'ils vont vouloir les entendre. écœurer tout le temps jusqu'à temps qu'ils disent oui, hein? C'est comme ça Ah qu'on mais obtient le consentement. déjà c'est irréaliste parce qu'ils désabordent pour aucune raison, puis finalement ils font tout comme ah ben ok d'abord je vais te parler puis ce que n'importe quelle fille il aurait fait genre ouais Va-t'en. décoller ça c'est ça mais là C'est sont toutes qui comme toi? ouvertes à apprendre à te connaître come on come on. Mais ouais, c'est vrai que c'est épeurant, s'il y a du monde qui joue à ça, pas par pure ironie. Mais c'est sûr, je me dis quelqu'un qui est vraiment menteur compulsif, pis qui, tu sais, qui couche pis qui sort avec plein de monde en mentant à tout le monde, là, mais j'ose croire que c'est juste une très petite partie de la population, là. Ben oui, c'est sûr. Je dis pas que 50% de la population, c'est des tapons. Des players. Mais Bon. bref, ouais, c'était ça, Anna a joué un jeu porno. Ben la porno est pas comme partout dans le jeu. Faut que tu travailles pour. Si t'as pas envie de travailler pour, ben joue pas ça pis va sur Google. J'avoue que ça risque d'être plus efficace. Ben. Sinon, je pense qu'on arrive quand même pas mal à la fin de l'émission. On a quand même le temps sûrement pour des mots de la fin, si vous en avez. Moi, j'en ai dessus. On est comme pris de court à l'idée de. J'ai Moi, j'ai mon l'impression mot de la fin. qu'à chaque émission, on arrive, puis là, ah, c'est maintenant Ah, la au fin. début, il me semble Sinon, qu'on en c'est le temps avait des plein mots de la qui. fin, puis là, on est tous là, genre, fuck le mot de la fin, il faut que je trouve de quoi à dire. Ah, moi, je sais. Tu sais, ah ben, commence. Go. J'ai mon mot de la fin que je traîne depuis de multiples émissions. Quand est-ce que je vais finir par parler du livre sur la soundtrack de Super Mario Bros.? Oh my God, c'est Un vrai. jour. En fait, je pense qu'on peut faire durer le suspense pendant la majeure partie de l'année. Parfait, C'est un parfait. défi. On ne sait jamais quand est-ce que ça va être. Moi, ça fait plusieurs semaines que Rebel Galaxy est sa feuille de route puis que j'en ai pas parlé, malgré qu'il y C'est a vrai. comme j'ai écrit comme un roman à côté de notes de choses que j'avais Pas envie si de dire, vrai. puis là c'est comme à un moment donné, ça va faire longtemps, puis là le jeu va être de plus en plus loin dans ma mémoire. Mais le coup de poignard qu'il m'a fait droit au cœur est encore là et la blessure est fraîche. Fait que je vais pouvoir en parler sûrement une bonne fois. Ça avait plein de potentiel, En mais. même temps, ce qu'on dit à nos auditeurs, c'est écoutez toutes les émissions parce que vous ne savez jamais quand est-ce qu'on va en parler. Ha ha! C'est ça. C'est ça. Vous savez jamais. Et moi, Moi, ça je. faisait des semaines que j'avais mis Etrian Odyssey, puis là, je vais en parler. Bon, je me souviens plus c'était quoi l'excuse que t'as comme allumé un moment donné dans l'émission, t'as dit comme parlant de genre oh et puis il y en a ça. Oui. Il y avait un lien. J'essayais de trouver l'occasion de le. Moi, j'ai pas réussi à plugger mon sujet, jeu. Puis... J'ai pas réussi à plugger mon jeu de vaisseau spatial. Non. Genre, je sais pas, les sujets cette semaine, il y avait rien que je pouvais rattacher des vaisseaux spatials. Ah! Bon. Prochaine fois, tu nous couperas. Non. C'est pas un jeu qui mérite tant. Ok, ben moi, j'en ai un petit mot de la fin d'abord. Oui. Drawception. J'ai joué à ça l'autre fois. J'avais joué à ça, genre j'étais à l'université encore. C'est trop drôle. C'est un site web qui s'appelle Drawception. Tu cliques sur play, puis là, il te présente soit un dessin ou une phrase. S'il te présente une phrase, il faut que tu la dessines. S'il te présente un dessin, il faut que tu écrives en mots qu'est-ce que c'est. Puis là, t'en fais une coupe comme ça, puis à un moment donné, tu reçois un email qui dit genre « Ah, la game que t'as faite vient de se terminer. » Là, tu cliques, puis là, tu loads la page. Là, ça t'affiche toute la séquence de image-dessin, image-dessin, image-dessin, image-dessin. Puis là, tu retrouves ton dessin. Et c'est hilarant. C'est comme le téléphone arabe en dessin, en mots. Ouais, c'est ça. C'est absolument tordant. Bon, c'est pas tout le temps super drôle, mais genre, 75% du temps, là, c'est genre vraiment très très drôle. Alors, pis ça coûte rien. Bonne moyenne. Ça coûte rien, puis ça prend. Tu sais, tu peux en faire 3-4, puis là, tu t'en vas, puis là, tu reçois ça par email, puis là, t'en fais 3-4 autres. Fait que j'aime beaucoup ça. Drawception. Ça se joue aussi. Malheureusement, tu sais, je me suis dit à un moment donné, genre, ah, oh, mais là, on pourrait jouer à ça dans un party de famille. Genre, on n'a rien qu'à prendre des papiers puis des crayons. Mais pour que ça marche, tu peux pas faire que le cahier ou la feuille revient à la même personne deux fois, sinon c'est comme ça marche pas. Fait qu'il faut que tu sois un très gros groupe pour avoir une longue chaîne. Tu sais, comme le nombre d'images dessin, images dessin, la chaîne est limitée par la taille du groupe. Okay. Puis après ça, la taille de tes feuilles, là, mais d'habitude, ça, c'est moins un problème. D'habitude, c'est plus la taille du groupe. Fait que si t'es, faut que tu sois comme 8, 9, ou plus pour que ça marche. Mais dans les parties de famille ou des choses comme ça, là, tu fais ça, là, puis tu te pitches à terre tellement que c'est drôle. Là. Ouais, ben tu fais un petit dessin en haut, là, tu le plies. Là, après ça, t'écris. Genre. Là, après ça, tu le plies. Puis ça fait comme un peu comme un accordéon. Mm-hmm. Puis là, t'arrives, puis là, tu fais comme « Ah, ma mère, tu sais pas dessiner, là, c'était quoi, ça? C'était un triangle! Comment j'étais supposé savoir que c'était comme la couronne du pape, ou je sais pas quoi? » Ça ressemble à une histoire vécue, en plus, ton affaire. C'était un triangle, mais c'était pas la couronne du pape, c'était un pénis. Ma mère avait dessiné un pénis en triangle, et personne n'avait compris que c'était ça. D'accord. Ben c'était comme c'était un bonhomme puis il y avait toute une la phrase était longue puis il y avait une scène mais genre fallait comprendre que le bonhomme était tout nu puis c'était un triangle. Bref, je pense que ça va être un bon mot de la fin pour finir cette émission. Je salue d'ailleurs ma mère qui heureusement ne nous écoute pas. Quoi que je pourrais la taguer sur le post Facebook, ça serait drôle. Mais je pense pas qu'elle va se taper 2 heures de podcast pour entendre cette anecdote. Si vous voulez plus de On a juste une vie, vous pouvez vous abonner sur onajusteunevie.ca et ainsi obtenir les liens vers iTunes, YouTube pour vous abonner. On est aussi sur Twitter et Facebook, évidemment. On est distribué sur l'entredugeek.com. Si vous avez des questions ou commentaires, vous avez des sujets, des niaiseries, vous pouvez nous les envoyer. Comme ça, on va les ajouter à notre liste et ne jamais les utiliser, comme d'habitude. Je vois qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Et ça. Fait que, à un moment donné, on n'aura plus rien à dire dans l'émission. Ça arrive jamais. On a toujours comme plus de choses à dire que ce qu'on a de temps, mais un jour, ça va arriver. Et c'est ça. Fait que la semaine prochaine, on se retrouve parce que on a juste une vie.